Hey, 25. Wow. Hey. On est rendu là, là. Ça, c'est quart de siècle. Le quart de siècle, avant même un an. Avant même un an. Ah, ouais, j'avoue, hein. Bienvenue au Geek Collectif, épisode 25. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. 25 épisodes. C'est quand même... moi, je trouve ça cool là, qu'on s'est rendu loin de moi. Moi, je capote, là. C'est vraiment... Toi, Melter. Ouais, j'aurais jamais pensé voir le jour. Ben honnêtement, c'est quand même de quoi que tu te dis. Dans... Moi, dans ma tête, on est encore au 5 ou 6e, au 25. On a-tu manqué un, deux semaines? Ah, on a manqué une couple de... Non, je pense qu'il y a une ou deux fois qu'on a manqué, puis c'était à cause de débris matériels. Ah, mais on a eu un excellent... une panne de courant là, en pleine... Ouais, en plein wreck. Ça, c'était... Hey, ça, pendant le jour de l'an, ça, c'était cool, ça. Ben, c'était moins le fun, parce qu'après ça, je suis sacré à cause de l'audio, mais... C'était moins cool sur le coup, mais ouais. Bienvenue au Geek Collectif, épisode 25. Mon nom est André Paquette. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Donc, ce soir... c'est le 25e épisode. Le sujet de la soirée va être le hype. Mais premièrement... Pas la boisson énergisante. Là. Non, effectivement. Le hype, l'engouement. De l'engouement que le monde a envers des jeux, des films, peut-être même. Des jeux, des films. Des sorties quelconques de produits médiatiques. Des consoles de jeux. Exactement. Ouais. Donc, l'engouement peut se transposer dans bien des choses. Mais premièrement, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres dans les dernières semaines? J'aimerais commencer. Tu veux commencer? Oui. Éric, il a de l'air à vouloir commencer. Vas-y, Éric. OK, fait que, regarde, les nouvelles. Il y a, moi, parce que je suis dans le milieu un peu, puis en parlant de hype, ben c'est quand même, moi, je trouve que ça a le thème de hype. Ben moi, je travaille dans les... Je ne vais pas mentionner la compagnie, mais je vends des cellulaires. Puis disons qu'il y a toujours un nouveau... C'est toujours le fun, les nouveaux launch de Apple. Y a-tu doré, le nouveau? It's gold. You can find it in gold. Mesure quelques centimètres check, de plus. Référence, check Conan, le talk show, où ils font un... Ah, pas Jason Momoa. Le... Non. Okay. Ils font une pause sur le design du gold du iPhone 5S. Mais le 5S puis le 5C, ça en vient. 5C pour couleur. Pour de couleur, vrai. Moi, je pensais que c'était pour Constance. Moi, je l'ai rappelé le 5P pour pastel. Est-ce que l'autre, il est pas en couleur? Non, ben, en fait... L'écran va toujours être en couleur, mais le téléphone ne l'est pas. Mais si, comme mais... moi, tu mets une petite affaire qui le protège par ouais, dessus. Ouais, tu peux t'acheter, tu choisis qu'est-ce que tu veux ouais, pour mettre dessus. Ça change rien. Regarde, ils vendent payer pour la check couleur. Check, c'est pas compliqué. Le C aussi en anglais représente cheap. Puis qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que celui-là il est moins cher. Non, mais c'est pas pour être méchant, mais c'est la valeur cheap. Argent. Ok. Il est moins cher. Il est marketé exactement comme que tu ferais un iPod. Genre, qu'est-ce qu'ils ont coupé dedans? Moi, j'ai vu les boîtes, j'ai pu tenir les boîtes et tout ça. Puis, t'as les boîtes, c'est pareil comme si tu prenais une boîte d'iPod, parce que t'as la boîte blanche, puis t'as le téléphone qui a l'air techniquement d'un iPod, mais pour le iPhone 5C. Puis c'est exactement les mêmes specs que le 5, fait que si tu te demandes entre un ou l'autre, le 5, c'est exactement... Le 5C, c'est les mêmes specs au niveau de performance. Le même hardware dedans. C'est ça. Fait que tu le payes juste moins cher parce que t'as pas été le cave qui a fait le line-up à... Moins cher, c'est relatif. Oh. Mais il est moins cher, oui. Okay. Mais il a pas été dans le mid-band comme qu'on aurait voulu. Donc, on pourrait dire relativement moins cher. Il est relativement moins cher, mais dans les cellulaires, puis je pense qu'on en connaît un petit peu, les cellulaires, t'as du low-band, du mid-band, puis du high-band. High-band étant les gros téléphones récents, le S4, HTC One, tout ça, ça rentre dans cette bracket-là. Mais là, après ça, t'as du mid-band, qui en ce moment, c'est pas mal du... On parle de moyenne bound. Moyenne bound. Moi, je dis des termes en anglais, je suis désolé. C'est correct, Eric. Les mid-band qui sont bien comme ça, puis le Nexus 4 qui est en charge de ça en ce moment, c'est ainsi, c'est ça la grosse fureur, mais l'iPhone 4 tombe là-dedans, puis plein d'autres téléphones. Puis ceux-là, tu peux les avoir à 0$. Avec des forfaits standards maintenant, avec toutes les compagnies. Quelle délicieuse couleur nous offre Apple cette fois-ci? Les couleurs, je pense que c'était rose. Je m'en rappelle même y pas des couleurs. Y a-tu vert, pistache? Un jaune orangé. De toutes les choses que j'ai... Attends des specs, là, mais de toutes les choses que j'ai payé attention à, c'est les couleurs. Là, pour moi, c'est cool, là, mais à part du gold en 5S... Y a-tu bleu hipster? Y a vraiment un gold. Mais dans les 5S, ils ont sorti le gold. Pour ouais, fait vrai, que t'as noir, blanc et gold. Puis t'as quatre couleurs vraiment les... cool, métalliques pour les enfants, pour le C. Hein. Non, mais on s'entend-tu? Ton gold... téléphone est en or, là, pour de vrai. Là. Oui, ouais, en couleur or. Il est en or pour combien de temps? Ça, tu le mets dans ta poche, il se graphine. En comme plus, du plaqué, là, mais déjà là, même s'il se graphine pas, tu veux prouver quoi en ayant un téléphone qui aide? Tu veux prouver quoi? Non! Tu niaises? Comme... Oh, oh, oh. T'as-tu vu les dents en or? C'est pour matcher tes grills? T'as-tu vu les grills en or? T'as-tu même vu les dents les en or, c'est en plus or? Ben, ben hot. C'est les dents en métal, là, en diamant. Regarde, en tu cas, viens de commencer à, tu parlera tu viens de commencer dents, à jouer à GTA V? Ouais. Attends, genre, tu m'en parleras des grills là, de que sont out of date. Mais en tout cas... Mais t'as des couleurs qui sont là, mais qu'est-ce qui est hot, c'est que le 5S, quand même, il est plus performant, c'est le... Je parlais des high-band puis les, tout ça, mais les deux téléphones Apple, on espérait qu'ils tombent dans le mid-band, qu'ils soient pas chers comme les téléphones mid-band, mais ça tombe dans les prix high-band. Mais ils ont pas un détecteur d'empreinte digitale ou quelque ça, chose de même? Ça, c'est le ou... S. Fait que je vais, ça, oh, je peux l'expliquer okay, aussi. Mais aussi. C'est la couleur qui est le cheap, qui était supposé être le cheap, mais qui est le même... Il vaut 130$ à peu près, ça mais il vaut quand même te coûter une beurrée. Ok, fait qu'eux autres, t'as peur. La stratégie d'Apple, c'est pas je sors de quoi de nouveau puis je baisse le prix de l'ancien. C'est je sors de quoi de nouveau plus cher que mais l'ancien. En fait, l'ancien, il est baissé de prix. Fait que là, si tu magasines des iPhone 5, des choses comme ça, c'est vraiment cheap en ce moment. Ça, c'est, t'en as qui commencent à liquider à 80-100$ sur des forfaits de 3 de 2 ans. Cheap, c'est quoi 400$? 100$ étant cheap. Exact. Mais tout ça pour dire que 5-6, t'es supposé d'être cheap, puis être. Comme on donne le cas, iPhone 4 en ce moment qui est gratuit, le iPhone 4S qui est gratuit. On espérait ça pour le 5C, mais c'est pas ça le cas. Le 5S, tu as l'empreinte digitale, comme tu disais. Qui sert à? Qui sert à, à collectionner l'information de pouce de tout le monde pour la NSA. OK. mais quand ça vient aux affaires utiles... Ça, c'est la banque de données à TVA, là. Exactement, oui. TVA okay. utilise les bandes de données NSA chaque jour. Pierre-Carl qui nous check. Exactement. Pierre-Carl de la NSA de Washington, oui. Oui, Pierre-Carl NSA, il est réputé pour ça. Mais t'as ça qui est cool pour faire tes achats, en fait. Fait que t'as pas besoin de rentrer ton code, rien. Rentre ton pouce, tu vas pouvoir faire des achats. Tu sais, des choses comme ça, je trouve ça intéressant. La caméra est améliorée. T'as c'est le premier processeur 64 bits, un des premiers, je pense, pour un cellulaire. Mais tu as deux CPU, deux GPU. Fait qu'au niveau graphique, le 5S va quand même avoir un bon boost par rapport au spec du 5, qui est aussi les specs du 5C. Mais c'est du cash. Regarde, si tu veux prendre un nouveau iPhone et tu es là-dedans, tu y vas fort. Puis moi, le hype pour ça, je le trouve intéressant. Parce que le téléphone est très cher. Puis on est dans un temps spécial maintenant parce que les téléphones cellulaires, au niveau des specs, on rencontre un genre de pas besoin d'avoir plus performant. Toi, tu as un iPhone 4, ben, par exemple. Les services sont pas plus performants dans un sens. Oui, tu as des applications de caméra qui ajoutent des choses dans le OS 7 et tout ça, mais c'est pas jour et nuit. Mais là, les applications, en général, que tu ailles le 4 ou que tu ailles le 7, c'est... T'sais, oui, il y a certaines affaires, mais pas au point de virer fou des fois. Puis de... Pour moi, non. Pour des gens, oui. Mais t'sais, pour pas mal rester sur le sujet de ça, écoute... On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps, mais regarde, pensez à votre achat. Fais comme moi dans les ordinateurs. Achète la technologie un an plus tard. Tu vas trouver bien des choses. Je m'en allais dire. Mais si t'es vraiment... T'es hype t'es au point où t'as de l'engouement. Tu l'aies parce qu'il faut que tu sois le premier à l'avoir. Vas-y fort. Ça va te coûter un 200$ pour le 5S. Une puis, génération en retard, puis yeah, ça va bien pareil. C'est pas mal mes nouvelles. Petite nouvelle boucle. Robot Unicorn Attack 2, je l'ai découvert. Puis il faut juste que je plug ça pour 20 secondes. Faut que je joue à ce jeu-là. Faut jouer à Robot Unicorn. Attack surtout 2, le style artistique. Si t'es élevé des années 80, tu vas avoir ta colonne vertébrale qui vibre de nostalgie. Mais le 1 était déjà super bon, mais le 2, il est quand le même 2, plus... Il y c'est avait une version métal puis... aussi. Que, oui, qui était très mais le 2, c'est vraiment la nostalgie de la musique, du look. Ça a l'air comme un old cover art d'une band métal que tu verrais en 84. Pas capable de lire le nom du band. Non, mais regardez, tu vas comprendre. Très fantastique, puis c'est ça. Puis la musique, incroyable. Absolument incroyable. Milton? Moi, surprends-nous. J'ai lâché Saint-Ro pour jouer à... non, mais ça en a dit quel beaucoup. Jeu? À WoW? T'as retourné à WoW, toi? J'ai lâché Saint-Ro 4 pour jouer à Zelda Age of... ben ouais, j'avoue. Hein, c'est quoi donc? Oracle of Ages. Oracle of Ages. Oracle of Seasons. Fourré, je m'en ai dit. Oracle of Ages. Mais... j'ai joué à ça, j'étais dedans au bout, mais depuis hier, en date de l'enregistrement, là, vu qu'on enregistre ben, le mercredi, ouais. Là, parce que quand ça va sortir, ça va faire quelques jours, mercredi, je l'ai. Le 18. Mais j'ai eu GTA V que j'attendais depuis très longtemps. Je ne pensais pas voir ce jour, quand il y a 2 ans environ, j'ai vu la quoi, date. Quoi ce jeu-là? Ben, t'as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est le genre de jeu qui a inspiré des jeux comme justement Saints Row ou The Godfather ou Red Dead Redemption. Inspiré par Driver 2, The Reflection oui, oui, aussi. Oui. C'est une copie de Driver 2. Mais ben non, c'est ça. Là, tout le monde sait, regarde, GTA, c'est sorti. On peut parler d'une époque maintenant de rentrer dans une nouvelle ère de gaming. C'est le avant et le après. C'est comme Jésus, mais en jeu vidéo, tu sais, c'est avant GTA, puis après GTA. Maintenant, tous les jeux sandbox vont se faire comparer à ça. Je veux pas spoiler rien d'histoire. Je veux pas... je pourrais faire 3 épisodes juste là-dessus. Puis on a déjà vidé à 3 en ronde. C'est ça. qu'on fera sûrement un épisode de nous en train de jouer. Ouais, là, on va jouer, là. Mais gars, si t'as pas déjà le jeu, arrête l'épisode ou écoute-le dans ton char en chemin là, pour aller au magasin de l'acheter. Ou écoute-le sur ton Xbox pendant que tu joues. Ouais, mais si tu l'as pas, va l'acheter avant. Non, je voulais dire. Mais une fois que tu l'as, continue le restant de l'épisode en jouant. Là. Écoute l'épisode. Il faut que t'ailles le jeu. Là. Easter egg, là, si tu pays play en même temps que tu commences Grand Theft Auto au PS3 en ce moment, tu te suis parfaitement à l'histoire, notre conversation ouais, qu'on a sur le podcast. Ça a un lien. C'est là que c'est triste puis un bateau. C'est tellement pas vrai. Mais c'est comme écouter Dark Side of the Moon puis Alice au pays des Le Magicien d'Oz. Non, c'est Alice au pays des merveilles pour Dark Side of the Moon, ouais. Ah, OK, pardon. Mais aussi, je suis sûr que tu fais les deux, ça arrive. Ça que Le Magicien d'Oz pareil. Pas qu'un film des Dark années 50 Side of the 30. Moon, c'est tout le temps bon. Anyway. Ben oui. Mais non, mais c'est ça, tu sais c'est Grand Theft Auto, je peux pas je suis le plus gros vendu qu'il y a pas en partant, mais pour moi, Saints Row est mort, officiellement. Ok, bon, ouais. Gars, je rentre là-dedans tout de suite. Là, le dernier Saints Row m'a déçu tellement que je l'ai même pas fini. Je trouvais même plus ça le fun. L'humour était plus là, l'histoire était plus là. J'étais allé jouer à Zelda sur mon 3DS, puis là, je joue à GTA, puis c'est comme, wow, Si t'aurais 3 mots pour décrire ton expérience, je sais même pas. Tu sais, mettons que t'aurais un vlog avec 3 mots. J'en ai mots, moins là. Que ça, là. Ben, gars, jeu fucking malade. Ok. Ben, 3 mots. Je sais même pas où aller là-dedans. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. C'est pour le monde qui aime les graphiques, c'est beau. Très beau. C'est la première plongée incroyable. C'est super là, le fun. Tout est là. Que t'ailles juste te promener, que tu. Gars. Va l'acheter. Dan Houser, sérieusement, ces histoires-là. Je sais même pas comment ils ont fait pour m'avoir ici à soir pour enregistrer l'épisode quand j'ai Grand Theft Auto. En fait, il y a Grand Theft qui est sur la TV. C'est ça, on le genre baité Milter. Ils ont mon attention ici pour que je reste chez Rick. Ils ont mis l'image de GTA sur la TV en arrière que j'ai d'en face. J'ai vraiment juste le goût d'aller jouer. Je veux pas, tu sais, je veux pas spoiler rien, là. Parce que c'est plate, là, le jeu est sorti hier, là, fait que je vais pas péter l'histoire ou de quoi. Mais, gars, c'est vraiment bon. C'est ouais. Du classique GTA. Moi, je confirme. Le online n'est même pas sorti. Puis, si je fais juste imaginer que c'est la moitié aussi bon que Red Dead Redemption était, le mode online, mais là, en version GTA. Sort quand, justement, ce mode? Ouais, parce que là, on peut pas jouer en ligne. Là, tu peux dit, pas là. Jouer non. En ligne tout de suite. Ça c'est dit, début octobre. Fait que, okay. Il y a bien du monde, j'ai entendu beaucoup de 1er octobre. Yeah. Mais c'est bien, moi j'aime, tu sais quoi, chapeau à Rockstar d'avoir fait ça. Sort un jeu comme ils Call of Duty. Pas le SimCity Diablo kind of shit. Mais il y a terme, ça, là, mais genre, comme pense à Call of Duty, combien de personnes achètent Call of Duty puis à minuit et 1 sont branchés en ligne en train de jouer contre des gens. Tandis qu'avec Grand Theft Auto, toi, ta première expérience de Grand Theft Auto 4 était en ligne. Puis si t'aurais eu accès à ça. J'ai pas eu le choix dans le Grand Theft Auto 4, si on se souvient bien. On n'a pas le choix de jouer un peu pour se faire donner un cellulaire par son cousin après 2-3 mini-missions de reconduisage. Puis après, une fois que tu as ton cellulaire, tu peux aller en ligne. Moi, je me souviens que tu pouvais inviter tes amis qui n'avaient même pas eu encore de cellulaire, par exemple. Fait que c'était comme le premier qui est arrivé chez eux, il a fait l'émission. Je me souviens dans ma gang, c'était moi, justement. J'avais eu mon cell, j'ai commencé à inviter du monde. Puis le monde dit, j'ai même pas eu mon cell encore, puis je peux joiner. Puis on a commencé à se promener en free roam online. Puis je suis d'accord avec toi, ma première expérience vraiment du jeu a été en ligne juste free roam. Je pense que t'étais pas le seul. Non. Je pense, incluant le fait que t'avais plein de gens ben, avec toi. J'avais 15 de mes chums avec moi. Moi, je pense qu'il y en avait beaucoup plus aussi. Puis je pense qu'ils ont, comme on a appris, de, ils ont ces données-là dans ils les ont jeux. Bien fait de. Puis, là, les gens sont obligés de jouer là, un peu. Puis ça, je trouve ça authentique. Moi, j'ai hâte de voir là, tu sais, ce qu'ils commencent à faire un peu là, les sites de jeux vidéo. Là, ils release un genre de photo avec un résumé de ce que le monde font. Tu sais, comme mettons, il avait fait ça de Mass Effect, il disait. 48% des Shepherds étaient des femmes. Il y a eu tant d'heures de gameplay, il y a eu tant d'affaires, il y a eu tant de choses. J'ai hâte de voir ça. GTA, mettons, le monde, 70% du temps était passé à faire fuck all, puis 30% du temps était dans l'histoire. Non, en fait, 20% dans l'histoire, 70% rien faire, 10% tuer des putes. Il y a des affaires, comme, comme je disais tantôt, un peu dans le jeu. Il y a les missions, mais il y a des heists qu'ils appellent, qui est comme des gros des vols de vols, banque, un peu. Des vols si qualifiés. Dire, des vols de bijouterie, puis des affaires de même. Puis il y a un petit côté gestion qui est bien le fun, qui est rajouté. Tu sais, ça rajoute de l'intensité au jeu. Puis ça, justement, là, tu sais, c'est plus présent, là. T'as l'impression vraiment d'être impliqué, la ville est vivante, puis t'as deux choix tout le temps, genre des gros choix principaux, là. Tu peux tout choisir ton crew pis des affaires que tu fais, mais genre tu choisis, t'as fait tu stealth la mission ou t'as fait, comme ils disent, loud, là, c'est genre, soit que tu rentres pis t'endors tout le monde avec du gaz lacrymogène, puis tu fais ça en cachette, puis tu hacks le système d'alarme, ou tu pognes moins de monde, mais tu pognes du monde avec des guns, puis vous rentrez comme des malades avec la vanne au travail de la vitrine, vous gunnez tout le monde, vous pognez des bijoux en courant. J'étais à la découverte de cette mécanique-là, là, puis wow! C'est, ben, la mécanique, c'est tu pèses A ou B, dans le sens que tu choisis ton plan, mais après, il faut que tu le fasses toi-même, dans le sens que tu vas voler le truck, tu vas voler les lacrymogènes. C'est beaucoup plus complexe pour la gestion, puis ça rajoute un gros point le fun au jeu, qui était déjà le fun en partant, d'après moi. Puis avec le online qui va s'en venir, c'est regarde, juste de même pas d'online, moi, ok, je suis vendu, je donnerais déjà un 10 sur 10. Moi aussi. Mais le online, puis toi, Eric aussi, qui garde ouais, pas joué. Pour être plus technique, là, serait plus le, il n'y a pas de 10 pour moi, il y a comme des rares 10, mais c'est 9.9, là, ouais, ce jeu-là. C'est dans le top du top, puis regarde, avec le online qui va s'en venir, ça va juste être comme du bonbon, parce que le jeu est déjà dans le top pour moi, là. Puis fuck fait... you, si tu penses que c'est du mainstream, ça vaut pas la peine d'écouter. Non, ouais, ça, c'est... ça a un non, texte, non. Une histoire c'est très un bien jeu suivi, qui est un fucking jeu vidéo qui est écrit. Il y a une critique sociale, parodique, crue, incroyable dans ce jeu-là, qu'il faut que tu vois le deuxième niveau dans l'histoire et pas juste te dire j'écrase des putes. Puis, c'est, mais il y a un sondage qui dit que 10% font c'est ça. Genre, ouais, 10% du monde écrase des putes, mais faut pas que tu te fies à ça, il y a une profondeur dans le jeu. Fait que joue-les, puis je fais juste imaginer toute la DLC qu'ils vont faire avec ça. Que ça soit d'inventer des nouvelles histoires à la Ballad of Gay Tony ou Lost and Damned, ah, comme à l'autre jeu. C'est vrai, hein, y a parce juste qu'ils peuvent faire des ça, personnes, là. Des nouveaux personnages infinis. Puis en tout cas, s'ils font un zombie mode, je capote. Fait que je dis ça de même. Ben, thank you, Milter. Fait que je pense que, honnêtement, la réputation du jeu est faite, puis ça vaut la peine. Non, faut non, au moins c'est... le louer ou l'acheter, puis essayer de jouer avec. Ça pas bouclé mieux pour lui. Ah non, mais surtout, lui, finir sur des zombies, là, c'était... Puis, une affaire avec les zombie mode, ben, gars, il n'y a pas de gaz dans GTA pour les avions. Fait que tu te prends un avion, puis tu fais rien que voler en rond, tout le long autour de la map, puis tu vas survivre. Oh, il a déjà tout planifié son cul, c'est ça le fait. Il est prêt pour les à expansions sur les rajoute le gaz que tu peux... Parce que tu peux te promener avec des tanks à gaz. Ah, mais là, tu sais que tu viens de le dire dans un podcast, là. Ah, là, ils vont prendre mon... Ils vont mettre le gaz. DayZ, c'est un mod d'un jeu de guerre. Attends que GTA Quad soit disponible. Mais il va pouvoir faire fumer des zombies. Mais parce que, tu sais, Easter Egg, là, ou spoiler, peu importe comment tu le vois, tu peux, comme arme dans le GTA, avoir des tanks à gaz, là. Tu sais, des bidons rouges, là. Fait que tu peux en verser sur un cadavre, sur un char, faire des lignes à terre de feu, puis des affaires de même. Fait que je me dis... Peux-tu faire du planking? J'ai pas essayé, mais je ça serait écœurant. Oui. Je pense que t'en fais accidentellement. Des fois, tu sautes à mauvaise place, puis ton dude, là, il est comme... c'est comme si c'est... Ah, des fois, je chaute, là, puis damer, puis en tout cas... Mais, gars, on pourra en parler pendant 3-4 épisodes, là. Je vais me partir un podcast juste de GTA 5. By the minute. Ouais, je vais juste parler de ça. Oh, ouais. Fait qu'achetez-le, là. Okay. Non, achetez-le. Merci, Milter. Moi, c'est différent cette semaine. Gars, revenant de Comic-Con, j'étais un peu brûlé. J'étais en formation à job ces temps-ci. Fait que j'ai écouté de la télé. Oh. J'ai écouté de la télé, mais j'ai écouté aussi... Puis je m'en mords les doigts parce qu'on a fait un épisode sur l'animation japonaise, l'épisode 24, puis j'ai oublié d'en parler, puis je m'en veux tellement parce que vendredi passé, c'était la première de Avatar, The Book of Korra, le book numéro 2. Fait qu'autrement dit, pour ceux qui ont vu Avatar, The Last Airbender, non le film merdique de M. Night Shyamalan, mais... C'est lui qui a écrit le film de merde avec les bonhommes bleus? Oui. Non, pas Avatar de James Cameron. Non. Airbender. C'est ça, The Last Airbender. Ouais, en fait, c'est juste Airbender ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais en gros, il y a une télésérie d'animé faite par Nickelodeon. Je pensais, je m'ai trompé. Okay. Ça, c'était malade. Puis là, ils ont fait la suite ensuite avec Korra, qui est le nouvel Avatar. Puis là, t'avais le début de la saison 2, dans le fond, le book 2 de Avatar, The Legend of Korra. Puis j'ai écouté ça cette semaine, puis j'ai trippé. Garde. Ça, honnêtement, c'est beau les dessins, l'histoire est le fun. C'est bon, c'est accessible pour tout le monde, que tu sois vieux, jeune, peu importe. Garde, écoutez Avatar, The Last Airbender. T'as-tu écouté la série au complet déjà? J'ai écouté tout Airbender au complet dans le temps. Combien d'épisodes? Non, mais le nouveau, là, c'est le nouveau? T'as juste écouté un épisode. Non, mais en fait, il y a la saison 1 avec Korra qui dure, je me souviens pas combien d'épisodes, ça fait quand même longtemps, parce que je pense que ça fait à peu près un an ou deux qu'il travaille sur le book numéro 2. Mais je viens d'écouter, là t'as eu la première, c'était une heure, là. C'était un épisode d'une heure pour mettre la saison 2 au début. J'ai écouté ça, puis j'ai trippé. Puis j'ai aussi écouté une série que j'étais passé carrément à côté, puis c'est ma blonde qui m'a fait découvrir ça. Ça s'appelle Luther, une série de la BBC One, mettant en vedette Idris Elba. Idris Elba qui jouait dans Prometheus, qui faisait le genre de pilote du vaisseau, puis qui jouait dans Pacific Rim aussi. Oui, ok. Idris Elba joue dans Luther, qui est une série. C'est un drame criminel psychologique britannique. Ça me surprend pas de ta blonde. Mais, man, j'ai écouté un épisode de ça. Elle doit triper sur Silence des Agneaux, elle. Probablement, je sais pas, faudrait que je vérifie. Tu demanderas de ma part. Au pire, je lui demanderai des questions random. Tu diras qu'elle me tweet la réponse au @zombiemilter. Si elle est sur Twitter. Ouais, on le sait même pas. En gros, sur Instagram, bien à côté, par exemple. Là. À ce moment-là, regarde, Luther. Premièrement, Idris Elba n'est pas britannique. Fait que lui, il a pris l'accent britannique pour aller jouer dans un show de la BBC, puis ça paraît pas pantoute. Deuxièmement, lui, il fait un genre de policier. Dans le premier épisode, tu le vois, il y a comme un gars qui capture des filles, puis borderline, soit il est viol ou peu importe, c'est un pédophile, là, le gars. Là, puis OK, des jeunes. Ça commence, puis t'as Idris Elba qui est dans une genre de manufacture, puis t'as le pédophile qui se tient sur le bord, puis il est sur le bord de tomber, puis Idris Elba, il le regarde, puis il le voit tomber. Puis il le laisse faire. Il le sauve pas, là. Tu sais, c'est comme, garde, crève, la fille est safe. Non, le kid. Fast forward. Fuck le pédophile. Peut-être, tu sais, je pense que c'est un an ou deux après. Mais là, lui, il reprend le service. Mais tu sais, c'est de la manière où c'est très, très psychologique. C'est très bien réalisé. C'est très bien filmé. Lui, il passe des entrevues. Puis lui, il se met dans la tête des psychopathes. Puis tu sais, à quelque part, il est un peu déviant lui-même. Ça me fait penser un peu. Mais ils sont de même, eux autres, ce monde-là. Tu sais, ils sont un peu fuckés. Ce monde-là. Les psychologues, criminologues, genre, tu sais, sont pas sont fuckés, mais tu sais, faut qu'ils comprennent ce monde-là. Fait que faut que tu te mettes dans cette tête-là. Mettre dans la peau un peu. Mais grosso modo, regarde, dans Luther, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début, la première émission, il y a comme un meurtre qui se passe, puis il peut pas prouver que c'est la personne qui l'a fait. Mais cette personne-là est une psychopathe, elle a tous les symptômes de la psychopathie. Il sait que c'est elle. Il sait que c'est elle, mais elle est fascinée par Luther. Elle est fascinée par ce gars-là. Fait qu'elle a une obsession à propos de lui. Puis, tu sais, c'est pas le méchant de la semaine. C'est comme un Dexter britannique. Ben, tu vois, moi, là, je vois ça là, comme un Dexter, j'haïs ça en passant. OK. Oui, je le dis, haut et fort. @OzumakiQC, envoyez-moi vos hate mail, y a pas de problème. Mais Dexter, j'aime pas ça. Moi non plus, j'ai pas embarqué. T'es Rick, pas tout seul, André. Tu vois, gars, fist bump, let's go, on y va. Ouais. Mais moi, j'adore. Tu vois, regarde, Luther, j'ai comparé ça un peu à un Dr. House criminel britannique. Puis okay. Si je dois mettre une parenthèse, fait que c'est Bones. Il y a plein de très bons. Non, c'est pas vraiment moins. Ben, c'est moins drôle. Les crime dramas britanniques. Ah, BBC sont malades. Sont vraiment, vraiment bons. Là. En fait, j'ai comme un renouveau. Ça fait 3 ans. Tout ce que j'écoute qui vient de l'Angleterre, là, je capote que ce soit Misfits, Sherlock, Luther. C'était quoi l'autre que j'avais écouté aussi? Being Human, qui est, il est dur à embarquer dedans, mais un moment donné, quand tu le comprends, c'est vraiment le fun. Mais regarde, Looter, honnêtement, c'est génial. C'est sorti en 2010, il y a 3 saisons à date, sauf qu'ils ont skippé une année. Fait que tu sais, ça a été comme 2010-2011, ça a pris un break, puis c'est revenu en 2013. Écoutez ça, c'est débile. Je me claque 3-4 épisodes back-à-back. Ça, puis Breakout Kings, que j'ai commencé à écouter, qui est quand même bien aussi. J'ai pogné ça bien vite. J'ai pas embarqué parce que j'étais en plein milieu de la série, si on peut dire. Là, mais tu sais, tu vois, regarde, j'étais dans un mode de télévision, puis il y a comme moins de téléséries ces temps-ci. C'est un peu plus calme. J'écoute ça ou des affaires la même. L'auteur est arrivé juste au bon moment. Puis j'aime ça découvrir des affaires où t'as déjà 2-3 saisons parce que il y a un terme anglophone pour ça que je n'ai pas trouvé binge, en français. Binge. Il appelle ça du binge-watching. Ouais, autrement dit, là, je m'éclate back-à-back puis j'arrête Kevin pas. Kevin Spacey, il défend ça de ses temps-ci. Hein. C'est incroyable, ça. Regarde, le trip sport. Il n'y a pas sport, le choix à cause qu'il est dans House of Cards, qui est une émission sur tout one-shot. C'est exactement dans ça. Le monde regarde ça en binge. Mais je peux-tu suggérer, si t'as aimé ça, oui. Check d'autres émissions. Il y a Broadchurch qui est sorti cette année, qui est vraiment écœurant. Si t'as pas vu t'as vu les Sherlock British? Oui. T'sais, comme Benedict BBC, Cumberbatch, là, ils ont tellement... j'aime que quand ils font une télésérie, il y a combien d'émissions par saison? 3 à 6. Tu vois? Ils comprennent comment pas étirer la sauce. Puis c'est ça que je respecte de la télé britannique. Mais tu vois, il y a un acteur qui joue dans Luther... Puis il a fait une autre télésérie pour BBC, puis ça s'appelle The Good Cop. Puis ça aussi, c'est incroyable. Honnêtement, découvrez la télévision britannique. Yep. Vous allez voir, il y a plein d'affaires. Ça peut même être drôle en passant par The IT Crowd, qui sont supposés faire un nouveau spécial cette année. Mais j'ai pas aimé ça. J'ai essayé, là, j'ai écouté à G4 un peu, puis j'ai pas embarqué. Je sais pas pourquoi. Space, t'avais-tu aimé ça quand t'as vu ça la première Space, fois? Space, je lis le coffret, j'aime ça beaucoup. Mais IT Crowd, là, je pensais aimer. Je dis ça de même, c'est peut-être moi qui ai juste pas embarqué. T'as-tu pogné à partir du premier épisode ou... Je sais pas, j'ai pogné à okay. G4. Ben, c'est ça. C'était comme du Office à tous les soirs à 5h. Wow. Tu sais, à un moment donné, t'es... Mais réécoute-la à partir du début parce que t'as une mise en scène qui te fait que les personnages sont attachants. Puis tu vois, regarde, justement, t'as beaucoup des acteurs de IT Crowd qui sont partis, ils font des films maintenant. Je sais pas si vous avez vu The Boat That Rocked. Oui. C'était génial dans Bridesmaid, c'est ça. Puis là, t'as eu, il y a pas longtemps, là, il y avait un film là, à propos des chanteuses des années 50. Mais c'était avec le gars de The IT Crowd en plus, mais je me souviens pas. Mais anyways, regarde, grosso modo, découvrez la télévision britannique. Je vous invite à aller l'explorer. Comme Coronation Street, on l'a pas. Ça n'a pas de sens, il y a du bon stock. Je veux juste rajouter bien vite, parce que tu m'as fait penser, j'ai écouté ça cette semaine, justement, c'est la première fois, c'est samedi passé. Je me souviens même plus c'est quel poste, mais c'est genre Discovery ou TLC. Là. Des fois, je pogne ces postes-là le soir parce que tu flippes les postes avec illico, là, puis tu vois juste le petit nom bizarre. Puis des fois, tu fais comme c'est quoi ce nom-là, puis tu cliques dessus, genre, puis tu check. Mais j'ai pogné une émission, puis je pense que je n'avais déjà parlé dans les premiers épisodes. Moi, j'aime les genres de shows comme Manhunter. J'adore ça, Manhunter, le cowboy. Le monde, là... ça, le monde savent pas c'est quoi, c'est genre un reality show. Fake, ça. Non, c'est fake, oui. C'est pas fake, mais c'est comme encadré. Ben, c'est encadré, mais moi que j'ai appris de ça, puis là, je passe ouvert la porte, je vais le dire. Excuse-moi. Non, mais parce que il paraît que le Manhunter, pour le monde qui savent pas c'est quoi, ben vite, c'est un dude en cheval qui est comme le genre de gars qui travaille. Mantracker? Mantracker, oui. Ouais, excuse-moi, Mantracker. Fait longtemps que je l'ai écouté. Le gars, c'est un tracker d'homme, dans le fond. Fait quand il y a des évadés, puis lui, dans le fond, sa carrière, c'était ça. C'est un gars en cheval. Puis lui, il regarde à terre, il sait où t'as passé. Il voit les branches d'arbres, il sait que tu t'en vas vers le nord, tu sais. Puis lui, il travaillait avec le FBI pour pogner des criminels évadés, puis tout dans le temps. À cette heure, il donne un show. Puis c'est genre, toi et puis ta cousine qui se trouve ben hot, là, dans le bois, là. Ben, vous êtes choisi en team, puis lui, puis il choisit un gars, puis admettons, c'est au Yukon. Ben, lui, un spécialiste qui connaît ce terrain-là, qui habite là, qui est avec lui, qui est son tag team partner. Puis il vous lâche dans le bois, vous avez genre 1 heure ou 2 heures d'avance, mais vous êtes à pied. Il faut faire 2 kilomètres, je pense. Pis, hein? Pas mal plus que 2 kilomètres. Hey, 2 kilomètres en 2 heures, j'ai le temps de le courir 4 fois, là, quasiment. Là, tu sais, quand tu y penses. Hein? Fait que Milter vient de confirmer qu'il court 2 kilomètres. Sérieux, là, 2 kilomètres, les gars, oui, c'est rien. Oui, là. Non, t'as raison. Non, non, mais c'est ça. Là, fait que c'est quelque chose comme... 2 kilomètres dans les bois, c'est gossant un peu. Non, mais c'est quelque chose comme 200 kilomètres et plus. Là, parce là que tu jases. Ils font la moitié du chemin. Là, on est dans chemin. Forrest Gump Territory. Ils font la moitié du chemin, ils dorment. Faut souvent qu'ils se trouvent un spot à dormir sur de montagne ou des affaires de même, le monde, pour se cacher ils de sont man tracker. Filmés, non, mais c'est, ça, mais attends, c'est là que je voulais en venir. Ils font cette quest-là, si on peut dire, là, cette chemin. Toujours une caméra non, qui te laisse-moi suit. Finir. Ils font le chemin, ils font leur défi, si on peut dire, mais après, c'est du reenactment. C'est encore là. Pire. Non, mais c'est ça que j'ai su. Fait qu'ils le font. Mais quand tu vois les plans de caméra. Oh my qui god, sont t'es-tu sérieux? Faites... C'est-tu vraiment ça qui se passe? Oui, c'est ça comme que portrait d'un tueur au Canal D, là. Ils le font. Ben, oui, c'est. Exactement. Moi, je voulais dire Unsolved dans le fond, Mysteries. Ils le font pendant puis... deux jours, ils partent, ils font leur affaire. Oui, America's ils se filment Most eux autres avec leur caméra qu'ils ont dans leur sac à dos le soir quand ils font des diary cam, des affaires de même. Ils font des affaires de même, mais en tout cas. Ok, mais les reenactments, mais, ça paraît. Le reenactment, si c'est genre après, comme pitch tout par là, là, on va le filmer puis comme pas, faut quand tu te t'as caches pas le même d'un problème d'un de reality TV là-dedans où ce que t'es en train de. Tu vois les gens qui commentent sur qu'est-ce qu'on regarde, mais c'est eux, puis comme ils veulent pas nous dire qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu, mais ben, ils sont en train de faire des commentaires sur qu'est-ce qu'on voit. Oui, il y a des affaires de même, mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, dans le fond, j'ai pogné. Je suis attiré vers des shows bâtards de même, puis il y avait un titre émission qui s'appelait Naked and Afraid. Pour le monde qui ne savent pas ce que ça veut dire en tout anglais, nu, ça veut dire apeuré. Tout nu je et apeuré. Je pense qu'il y a le pitch, je comprends mais le pitch. Tu me connaissant un peu, tu me dis le titre du show de TV s'appelle Naked and Afraid, c'est sûr je vais cliquer dessus parce que je me demande c'est quoi que tu fais tout nu pour avoir peur. Fait que je check, puis finalement, c'est encore pire que je pensais. C'est carrément un genre de man tracker, mais il n'y a pas personne qui te track, là. C'était juste un genre de couple qui était dans le bois, tout nu, depuis 13 jours. Puis tu voyais le counter, là, genre, il disait 13e jour. Le gars, il était couché sur sa roche, dans une grotte. Il avait une infection au pied. Je suis comme d'autres, t'as une caméra, puis tu te filmes, va guérir ton pied à place. Puis sa femme était tout nue au montage, j'étais toute brouillée de partout parce que. Grand Theft Auto, c'est plus nue. Réel. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Oui, Grand Theft Auto, c'est meilleur qu'écouter ça. Mais j'étais là, comme juste, il faut voir ce show-là parce que c'est rendu là à TV Réalité. C'est de mettre du monde tout nu dans le bois pendant deux semaines, puis de dire survie. Bon. Parce qu'il faut que je me retienne de dire les autres choses poches. Non, mais il y en a non, pas. Tu sais le moment où tu réalises que t'as perdu le contrôle de ton émission de podcast? Oui, non, mais moi je ne veux plus en ajouter. Là. C'est parce que je sais que t'aimes les British oh, TV shows. Là. Mais British TV shows à... Naked and Afraid. Non, mais on se rend compte que c'est ça, j'ai découvert pas... un show de TV cette semaine. Okay. Fait que toi, tu parlais de nouveaux shows de TV. Je me dis, moi, le mien que j'ai découvert, c'est ça. Fait que, pèsez dessus, écoutez-le ou écoutez-le pas, mais au moins vous savez à quoi vous attendre maintenant, parce que moi je m'attendais à du genre de film d'horreur ou quelque chose. Et surtout, vérifie le show que André mentionne. Moi je parlais de Luther. Ouais, Luther. De la BBC One. Fait que, on s'entend que cette semaine vous écoutez Luther et non Naked and Afraid. C'est nos suggestions Geek Collective. Ou Maury Povich, mais en tout cas. Maury, c'est un après-midi, c'est bon. Okay, André, go. Fait ou que, Dr. Phil, hein, qui participe. J'aimais mieux Jerry Springer, mais donc, en tout cas. Là. On va parler de quelque chose ce soir, puis ce qui va être difficile, Milter, tu vas être content, c'est que ça va être un peu du ad-lib puis des impressions. C'est un peu une table ouverte. Oui. Oh, la carte est blanche pour une c'est table ouverte. C'est de l'opinion. La carte est blanche Milter, la ce carte soir. Est blanche, on se garde, ça fait 25 épisodes. Je vais essayer de contrôler la foule. Mais en gros, là, on parle d'une chose. On va parler de l'engouement. Le hype. Vive le hype. Autrement dit, là... On s'entend cette semaine, on a eu du hype, on a eu Grand Theft Auto, que ça fait des années qu'on se fait promettre. Mais est-ce qu'il est overhype, André? Mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler aussi également. Mais c'est quoi du hype? C'est quoi de l'overhype? C'est quoi du surengouement? Est-ce que à ce moment-là, les médias servent un peu de nous maintenant avec les médias sociaux pour faire la promotion de leur truc gratuitement? Oui. Je sais qu'on a Joël de Fun Jouer Jeu. Qui avait déjà fait un article là-dessus, justement, puis qui disait, tu sais, regarde, nous autres, en tant que médias sociaux, en tant que podcast gratuit, des choses comme ça, est-ce qu'on est considéré à faire de la promotion gratuitement pour certains items? Mais moi, je pense que je... En tout cas... C'est des sujets que je veux qu'on aborde sujet, ce soir, ouais. Justement. Tu sais, regarde, là, on met la table, là, puis là, après ça, je vais relâcher le Kraken. Mais dans le fond... Release the Kraken! Non, pas Kraken. J'ai trois ans que ça s'en vient, là. J'ai Grand Theft Auto dans la tête, fait que je vois des Kraken partout. Moi, tu vois, crackhead, regarde, moi. À Star, tu dis Kraken, puis j'ai l'image de Dave Chappelle qui fait son sketch release avec la bouche crackhead. Blanche. Mais en gros, là, c'est que... Il mange des Snickers. Il y a de l'engouement maintenant. Puis je pense que... ça fait juste grossir avec les Twitter de ce monde, les Facebook. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on en pense un peu. Je veux savoir, premièrement, est-ce que les médias sociaux, c'est de la publicité gratuite, puis comment ça fonctionne, puis est-ce que les compagnies ont compris comment l'utiliser? Puis deuxièmement, moi, je veux savoir, c'était quoi votre plus gros engouement à vie? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que souvent, on se fait vendre de quoi, puis ça a l'air écœurant, puis on le reçoit, puis on est totalement déçu? Puis, je veux savoir, c'est quoi la prochaine affaire que vous attendez? Milter, là, lui, il est déjà sur Grand Theft Auto, il est encore dessus. J'imagine qu'il pense pas à la prochaine Non, non, je sais déjà c'est quel. Puis, je sais c'est quel. Mais, tu sais, si on commence par la base, là, c'est quoi? Comment l'engouement se fait en 2013? Qui veut commencer? Toi, tu veux commencer? Ben. Gâtez-vous, quand, là, ça arrivera pas souvent, là, c'est le 25e. Comment il se fait? C'est. Il y a plein de façons, là. Mais là, c'est parce que là, c'est tout différent aussi. Tu sais, ouais, mais parce qu'il y a des façons de builder un hype dans le sens de se faire. D'après moi, là, puis gars, j'ai parlé de Grand Theft Auto, je vais prendre ça comme exemple. Une des meilleures affaires, c'est. Ben non, mais je vais en profiter parce que c'est actuel, tu sais, mais de se faire attendre. Oui. Quand ça fait 5 ans que t'as pas sorti de jeu, puis que ton dernier jeu, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, est considéré un chef-d'œuvre. Puis que ta série au complet est quand même considérée dans les top jeux qui existent, que tu sois un fanboy ou un hater de GTA, tu peux pas refuser le fait que c'est un classique. Mais tu crées de l'émotion des deux côtés. Fait que quand tu crées de l'émotion des deux côtés, tu fais de quoi tu fais le bien, côté, où, ben, ça, puis aussi t'as le côté parlez-en bien, parlez-en mal, en autant qu'on en parle. Ça, j'haïs ça, cette phrase-là, mais c'est vrai legit, dans là. Un mais sens. Tu t'en que souviens, pareil. Le mot, il est là, puis tout le monde est curieux, puis ces affaires-là. Mais, tu sais, c'est la façon de le faire. Si tu sors un jeu à toutes les années, personnellement, je trouve que tu perds de toi-même, de ton essence, de ton soul, mais comme là, André dirait. Mais tu parles vraiment du hype de jeu, là. Oui, ben, pour le jeu, avoue que, je veux pas nommer de nom, mais gars, on va parler, GTA, il sort après 5 ans. Tu l'attends plus pour voir les changements, surtout que souvent, il y a eu des changements côté... console, puis côté mais, tout. Mais il hype différemment qu'avant. Il là, hype hein? différemment, parce que... mais pense à Assassin's Creed, exemple, qui sort à toutes les années. Mais pense comment est-ce que le hype d'Assassin's Creed était créé originalement. Fait que hype, puis ça, c'est, je trouvais que c'était génial pour Assassin's Creed. First trailer à E3 2006, je pense. Tu parles du premier, le 1. Quand on a juste vu le trailer là, de un qu'est-ce qui est maintenant monte un mur, Alistair, qui saute puis qui attaque. Mais ça, c'était comme de là, avec un trailer d'un jeu qu'on n'a même pas vu, juste une idée, puis tout le monde sait pas qu'est-ce c'était qu'il y a. C'était jamais vu. Le hype était parti. Mais moi, ce que tu me fais penser, Eric, aussi, là, puis je sais pas l'année exacte, mais il y a un terme qui est apparu dans les dernières années, puis moi, personnellement, ça n'existait pas, puis tu sais, j'ai déjà été projectionniste au cinéma. Moi, j'ai toujours eu des bandes-annonces, des trailers. Ouais. Mais dans les dernières années, par contre, il y a une teaser. Nouvelle catégorie, le teaser, l'agace qui gros. Est sorti. L'agace dans les jeux est là. Si on voit... Tu sais, mettons, ils te sortent un clip de 30 secondes. Après ça, 6 mois plus tard, t'as la bande-annonce. Après ça, t'as une nouvelle bande-annonce. Après ça, t'as la bande-annonce finale. Puis après ça, t'as le produit. Mais dans les jeux, tu commences à avoir... Je reste il commence jeux, de là, bonheur mais, à tu vois, ça, tu là. Vois un target vidéo de quelque chose qu'on espère que ça soit. Puis j'utilise le E3 de 2006, là, parce que ça, c'est pour Sony. On s'est tellement fait cockteaser, puis c'est pas la première fois, parce que moi, dans les jeux vidéo, c'est gros que cette hype-là est là. Pour le next-gen, ils l'ont pas autant, puis j'ai trouvé ça cool, mais le PS3, quand ils annonçaient le PS3, là, avant même qu'on le voit, ils hypaient avec de la bullshit. Ouais. Puis après ça, le 3, tu vois Motorstorm, puis tout ça, puis là, tu t'es accassé avec juste un petit peu de hype, puis là, le jeu, éventuellement, de Real Deal, ça, tu vois... Mais tu dis le next-gen, ils l'ont pas autant que ça, mais tu sais, je te donne un exemple, là, regarde. Il n'y a pas eu trop de target vidéo cette ça, année. Oui, mais ça c'est ça, changé. Tu sais, regarde, prends, mettons, le studio qui avait fait The Witcher, là, que j'ai oublié le nom, c'est CD Projekt, là. Mais regarde, le jeu de Cyberpunk qui va sortir, là, puis eux autres, ça a été les premiers à le faire, puis là, c'est rendu une tendance dans les trailers. Mais tu vois, eux autres, ça a été « Coming when », on va le sortir... When it's ready. C'est pas les premiers. Quand ça va être ça, c'est Valve, Blizzard, ils ont tout parti ça. Là. Oui, Id, mais... ils le faisaient aussi. Mais hein. Tu vois, ça, c'est rendu une tendance un peu. Puis moi, je trouve ça, c'est une autre catégorie. T'avais les teasers. En fait, t'avais des traders. Ils ont eu les teasers. Puis là, c'est encore plus agace. Parce que là, c'est comme, je te montre vraiment de quoi de gros, de quoi que on a créé custom pour ça, pour créer l'engouement. Mais à ce moment-là, moi, je me pose la question. Est-ce que l'engouement va aider les studios à financer et à approuver des projets? Duke Nukem et 3D Realm, ça non, mais quoi? C'est pour les ventes. Des fois, ils peuvent se faire dire sors les tout de suite, moins de coûts, plus de ventes, parce que l'engouement il est là. Tandis que si tu attends 2 mois, ça coûte 2 mois de plus de coûts. Puis peut-être l'engouement va partir qu'on a présentement. Ça, je te dis ça en tant que distributeur. Ça va dépendre aussi, parce que prends des exemples comme Mass Effect, qu'eux autres, ils étaient prêts, le jeu, mais ils ont décidé d'attendre la fin de l'année fiscale parce que, justement, ils avaient déjà fait leur budget. C'est rendu chose. Que je pense que on a plusieurs niveaux. Tout là-dedans, mais le hype rend tout, effectivement. C'est que le hype, je pense, moi, de la manière que je le vois, puis avec mon expertise professionnelle, c'est un outil personnelle, pour nous faire jouer comme c'est du marketing à long terme. C'est du marketing pour savoir. Moi, je pense qu'il y a... Les compagnies ont trouvé un moyen de publiciser leur projet avant même qu'il soit enclenché. Puis je pense que c'est rendu le consommateur lui-même qui approuve. Autrement dit, le consommateur est... Mais en fait, pas pour aller dans des vieux textes de communication, mais le consommateur est l'audience de lui-même. Fait qu'on les fait parler de qu'est-ce qu'ils aiment, puis il va y avoir plein d'autres personnes comme eux qui parlent de ça, qui dit que c'est bon, que ça a de la poche, puis là, c'est comme s'ils peuvent créer du hype. Mais c'est un peu ça, tu sais, regarde avec les bandes annonces. Parce que ça tout le arrive. Monde parle de eux, là. Tu vois sur Internet maintenant, là, tu peux avoir un jeu qui se fait annoncer, tu te le fais hyper la première fois, puis là, tout d'un coup, tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi qu'il parle. Parce que tu as ça dans ton feed. Je prends des exemples, là, comme les bandes annonces qui sortent, puis que ça dit, on va le sortir quand il va être prêt. Moi, de la manière que je pense à ça, puis ça serait moi qui rendrais un studio, je mets une équipe de développeurs puis de concepteurs graphiques, puis. Voici l'idée, faites-moi une vidéo d'une minute, puis on va dire ça sort quand c'est prêt. Puis si les gens l'approuvent, met le reste de l'équipe, là on va aller chercher un project designer, puis là on approuve parce qu'eux autres ils vont savoir le potentiel d'achat, le potentiel marketing avant même d'avoir fait le produit. Parce que l'investissement il est backé. C'est juste le premier vidéo. Exactement. Là. Fait que tu sais, c'est des projects, je pense, avec leur jeu de Cyberpunk, puis je reviens beaucoup là-dessus. Mais c'est juste une technique pour créer du hype. Là, mais créer du hype, mais c'est ça surtout musique, pour backer. Ouais, ils font ça en film, ils sortent une tune, puis s'ils appognent, oh, on va sortir l'album dans cette vibe-là. Vous apportez un point intéressant en musique. Daft Punk, on s'entend là, avec le petit loop là, de ils Get Lucky et chose des choses comme ça. Là. Eux ont trouvé comment. Après plusieurs mais années. J'aimerais savoir les chiffres de ça, voir si ça paye off. Mais apparemment, c'est l'album dépenses. Qui a eu le plus de précommandes de toute l'histoire de la musique, ça. Daft Punk, là, parce que avec leur campagne, justement, de hype. Je pense que c'est précommande digitale. Précommande digitale, c'est quand même des barèmes qui sont existants maintenant. Oui, mais on s'entend que c'est facile à battre dans le sens que c'est nouveau. Ben c'est nouveau, mais c'est quand même 68-69% des ventes totales environ. Sinon, là, l'artiste encore. Qui a vendu le plus de un single, qui a fait de l'argent le plus, c'est Katy Perry. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'entend que c'est un barème. C'est aussi du monde récent, là, c'est basé assez sur... C'est comme utiliser ça, là. Katy Perry, c'est une oui, artiste d'une génération qui a toujours utilisé ces médias-là. Tu sais, t'auras pas les Beatles qui ont vendu des centaines de millions d'albums qui vont compter là-dedans. Mais les Beatles, ils ont vendu... Tu sais, parce que c'est pas du numérique, non. Mais y a-tu du numérique qui rapproche ces prix-là? Tu sais, ces quantités-là? Ben, je viens de te dire, là, comme Katy Perry, c'est... Elle rapproche du Beatles? Non, elle, c'est genre le single le plus vendu mais en ça digital. Rapproche-tu genre des Hotel California en vente encore? Je le sais pas, là. Puis, parce que c'est des albums et non des singles aussi. Puis moi, des j'avoue, là, dit de même. C'est d'autres choses. Mais tu sais, c'est une nouvelle manière, je pense, puis... De hyper ton le hype, justement, l'engouement, là. Tu sais, puis on est rendu que je pense que le consommateur... Tu sais, puis on avait fait un épisode sur la finance participative. Puis je pense que l'engouement, justement, va avoir un impact là-dessus. Mais il y a comme tu dis, oh, je catch la finance participative, nanana, puis tout, il y a un engouement pour ça. Mais hey, ça montre à eux autres si le produit vaut la peine d'être continué d'être fait. Mais qu'est-ce qui fait, pour vous autres, là, ou pour peut-être le consommateur moyen que vous connaissez. Là. Ou pour les nos auditeurs qui peuvent nous répondre sur Twitter. C'est ça, là, n'importe qui. Là. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas aller à un tel point, je vais revenir à GTA, là, ou au NHL 14 qui est sorti une semaine avant ou 2 semaines avant là, pour au Québec, c'est fort là, ce jeu-là. Là. Très fort. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas aller à minuit à un magasin acheter un jeu que tu l'aies précommandé ou pas? Ben oui, parce que c'est rien que vous deux qui sont là qui peut me répondre live. Mais fuck, okay. Hey, touchy, Milter. Non, mais parce que c'est un hype que oui, t'as beau attendre le jeu, Mais toi, c'est exemple, quand ça dernière fois que tu moi, l'as fait? Moi, GTA, là, je l'attendais depuis quoi? Ça fait 2 ans qu'ils ont annoncé. Oh. Septembre 2013. Mais, gars, je pensais pas voir ce jour-là. Parce que quand je l'ai su, c'était comme fin 2011. Puis tu fais comme, fuck, mais c'est 2013, tu sais, quelque chose de même. GTA 5 comme exemple, les ventes, est-ce qu'ils ressemblent? Parce que là, le produit est hypé. Mais puis le produit est disponible. C'est rendu 8 heures. Il faut que tu l'ailles à minuit. Mais je l'ai, moi, j'ai et fait pas ça. À 8 heures. J'ai... C'est quoi ouais, qui fait que ça, c'est un hype? Puis l'autre, c'est un mais hype aussi, le fait que tu la jettes le jour 1. Mais que tu y ailles à minuit dans des. Mais tu vois, garde, je pense que l'aspect social, ce que ça donne, c'est que c'est l'engouement aussi. Pourquoi tu vas acheter un jeu? Parce que tes chums vont jouer. Pourquoi tu vas vouloir. Oui, tu vas le vouloir, mais c'est parce que. Je te donne un exemple, là. Les Call of Duty, le monde le veut parce monde. Que le monde haute le veut. Ben, c'est parce que tu veux pas être celui dans la game qui joue pas. Genre, tu veux pas ouais. être celui différent puis des affaires c'est même. Compétitif en ligne, c'est ça aussi. Mais ben, t'as fait. Du compétitif, mais tu sais, t'as d'autres choses aussi. Que c'est je que pense que c'est deux tu veux faire partie de l'événement. Moi, j'ai vu du monde, là, puis professionnellement, j'en ai fait beaucoup le lancement à minuit. Eric, t'en as fait aussi. Parce que c'est pas parce que t'as 150. Hein, quelque part. Ben, c'est ça. C'est le fait d'être faire partie d'une gang qui on est en train de faire de quoi au même moment. Parce que les 150 personnes, mettons, que tu vas avoir en line-up dans ta succursale ou importe. Puis c'est pas beaucoup. C'est pour pas nécessairement GTA, que ça, ces 150 personnes-là vont l'acheter. Moi, j'avais du monde qui accompagnait. Puis pourquoi t'es dit, bah, j'étais avec mon ami, puis on va acheter le jeu, puis on va voir en gang après. Puis... Tant qu'à rien faire. Ben, c'est ça. Tant qu'à dormir chez nous, puis être au chaud, ben, je viens me braver de toi. Mais... Un non, lundi mais soir. Il y a du monde où, justement, c'est que l'engouement est tellement élevé. Puis je pense que ça vient rechercher une autre affaire aussi, c'est que tu veux te vanter. Tu veux te vanter d'être, hey, moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu, puis moi je joue avant tout le monde. Puis c'est un peu la même chose. Pourquoi tu vois sur le net, là, mais le monde, ils se prennent fou. En photo, puis hey, j'ai réussi à l'avoir d'avance. Ouais, là, ça, puis... ça, c'est rendu plus, ça, c'est plus intense t'es... qu'avant. Mais oui, avant, c'était pas de même. C'est là, rendu que fait, t'es là. Cool si t'as réussi à l'avoir avant le reste du monde. Ou t'sais. Tu veux appartenir à ouais, ça. Mais c'est le gros hype. J'ai juste en regardant. Tout le monde attend ce moment-là, puis toi, tu l'as quelques heures avant tout le monde. C'est sûr, que, pouvoir, c'est sûr là. Que c'est « wow, hey, mais t'es c'est, up, là, tu sais. » André dit c'est pour jouer qu'est-ce que les autres jouent. C'est la carte. Puis je vois ce pouvoir-là. Juste dans, on a un groupe quand même Facebook, mais dans ce groupe-là, sur le groupe Facebook, il y a quand même une quantité de gens. Puis il y avait tellement de personnes qui parlaient de GTA V. Que tu voyais des gens qui disaient, ben là, moi, il va falloir que je joue. Ah ouais. C'est ça. Moi, je vais aller que chercher, je veux pas être celui de la hotte qu'il faut que je la jette. Puis... Mais c'est ça, parce que tout le monde en parle tellement bien qu'il faut bien qu'ils jouent, eux autres. Là. Mais moi, je vais vous parler d'un autre, sorte de hype. Puis tu vois, regarde, j'ai commencé à le voir puis à le vivre un peu. Tu sais, je suis en formation ces temps-ci. Puis à côté de mon local de formation pour la job, il y a une petite place. C'est un petit magasin, puis c'est une chaîne. Il y en a plusieurs au Québec. Puis. Ça, il y a un gros hype autour de ça aussi. Il y a un gros engouement autour de ça. Puis c'est quelque chose que moi, c'est une compagnie personnellement que les gens qui s'occupent du marketing, de la publicité de cette compagnie-là ont beaucoup de mon respect parce que ils ont pris un produit que personne vraiment tripait dessus puis que c'est rendu super cool. David's Tea. Mais c'est du thé. Ouais, on ouais. s'entend que le thé, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans, « Hey, dans 10 ans de temps, là, non seulement tout le monde va triper sur le thé, mais il va y avoir des magasins de thé avec des gens qui te font sentir des sortes. Tu peux aller plus loin. Tu vas, donne-moi 30 secondes, puis je vais te laisser aller exactement où tu veux. C'est pour le thé, là. Mais ça... du thé, là, c'était pas cool. Moi, du thé, c'était quelque chose que ma mère a buvé après avoir mangé pour digérer un peu, ou bien quand la visite voulait pas du café ou des affaires de même. C'est encore pas cool, puis à cette heure, non, ben, c'est pas vrai, en ça. Fait, c'est pas vrai, parce que là, t'as du monde qui vont non seulement faire des line-up pour acheter ça, moi-même, bon, j'en bois à cette heure. Puis je découvre ce monde-là. J'aime ça le thé, mais je trouve pas ça cool. Mais tu vois, regarde, puis un des exemples que je peux donner de David's Tea où leur marketing fait des choses vraiment incroyables, c'est que tu vas rentrer dans leur magasin puis tu vas avoir deux théières. Tu vas avoir une théière où il n'y a rien de dessiné dessus, qui va être $17.99. Puis tu vas avoir une théière où c'est écrit David's Tea dessus, qui est le logo du magasin, le logo de la sorte qu'elle est $19.99. Laquelle se vend mieux? Celle à 19. Celle à 19, puis ça, selon moi, en 2013, c'est une histoire de succès de marketing parce que ton image est tellement forte. Le monde, ils disent pas « je bois du thé ». Il goûte meilleur vu que je suis un David's Tea. C'est rendu un Starbucks. C'est pas du café, c'est du Starbucks. C'est une expérience. Puis c'est une expérience de rentrer là, mais tu vois, regarde, ça, il y a du hype autour de ça. Tu sais, tu vois le monde, mettons, sur les Instagram qui prennent des photos. Puis je dis ça, je l'ai fait moi-même, bâtard. Moi, j'ai jamais pris des photos de personne dans des. Toi, t'as fait ça non seulement souvent, mais même avec moi. Mais tu sais, c'est que ça, tu sais, on a tendance à parler que l'engouement, ça va être dans les jeux, dans les films. Mais t'as peu, là. L'engouement va être un peu partout dans la vie. On a des compagnies comme David Steve, Starbucks, on a des affaires la même. Le gros nouveau resto qui va ressortir, puis surtout au Québec, à Montréal. Regarde, je suis allé manger au DNA, au club Chasse-Pêche, je suis allé manger au Joe Beef à telle place. Le Hachoir, puis tu sais, les restaurants, au canaille, de même. Plug au quartier les canailles, exactement, Hashtag, qu'il y a des bons restos. Mais c'est rendu que il y a un engouement pour tout, puis c'est rendu, c'est cool, là, tu sais, ah, moi j'ai mangé à telle place, puis là, bon, hey, moi il faut que j'y aille, puis. Ça n'a pas toujours été de même, mais maintenant on peut l'afficher ouvertement, fait qu'on devient des petites pancartes de publicité chacun. Ça tout, je veux dire, on publicise ce qu'on aime. Puis il y a une audience sur pour ça, les tu, réseaux tu sociaux. Hype puis... le tout. Là. Le T, là, j'adore David T. Tu sais que j'aime David T. Puis j'aime les samples tout le temps. Là. Ils ont moi, j'aime de samples. Les tisanes. Mais des tisanes. Il y a bien des tisanes au David T, Milter. Ça moi, j'aime des, les miennes. Ça fait des millénaires que c'est populaire, du T. C'est juste que là, c'est marketé dans une époque ouais, où que on l'affiche tout. Mais des T-shops, là, j'ai toujours été à des T-shops. Il y a des T-shops au centre-ville de Montréal qui sont vraiment épiques. Il y a des scènes de houlong. Moi, mon beau-frère, il me fait triper sur du houlong qui est servi dessus une grille en bois. Tu vas boire des thés incroyables. David City a juste pris quelque chose qui était déjà naturellement mais pas rendu des... accessible. Ouais, mais... Puis ils l'ont rendu accessible. Exactement. Mais c'est ça, mais le rendre accessible, sauf d'un autre côté, tu sais que c'est une histoire de succès quand... C'est des personnes de 15 ans qui font le line-up pour aller boire du thé oui, aussi. Oui. Parce que du houlong, mais... des choses comme ça, ton beau-frère ou des choses comme. T'sais, mais il doit avoir d'autres. Moi, j'ai un de mes chums, Pat Latour, là, regarde. Ouais, c'est ce gars-là, il capote ans, sur le thé puis il est extrême. C'est le genre de gars, viens manger à la maison, je te fais un osso buco, je te reçois, puis je vais te faire du thé, puis là, attends, telle sorte de thé, je vais sortir telle sorte. Lui, il est extrême. Sauf que quand c'est rendu que. Tu t'en vas, puis tu passes devant David City, puis t'as trois filles de 14-15 ans qui sont là, puis qui sont en train de se renseigner sur telle sorte de thé. Qui sentent les différentes saveurs. Ils sentent toutes les sortes de saveurs, puis les affaires de même. Ouais, eux autres, dans le fond, ils aiment peut-être. C'est des filles qui magasinent. Mais c'est ça. Même, eux autres, ils posent des mais questions. L'engouement, mais l'engouement leur fait qu'ils vont sortir quand même leurs 3 piastres de leur poste. Parce que si on achète ça, t'es hooked. Là. Si t'achètes un thé, un bon thé, prends un houlong à 14 ans, je m'excuse. T'en achètes un là. C'est gun, là, tu vas boire ça pour de bon. J'ai pris un chai au guarana l'autre fois. Ouais, moi, personnellement, je bois du thé vert. Guarana, je suis tombé là-dedans, j'ai fait comme, oh, ça goûte super fort. Parce que t'es les maté aussi. Hey. Là, si tu veux un pro tip, David T, le maté it up. Ça, c'est du guarana à son meilleur. Là, c'est tout naturel. Mais à ce moment-là, tu vois, regarde, moi, personnellement, du thé, j'aurais jamais bu ça. Moi, je bois. Mais c'est rendu que. Vive tu vois, regarde, revelà 5 un ans, c'était quoi thé. Le hype? C'était les Red Bull. Tout le monde achetait des boissons énergisantes. Là, à Star, le monde ont leur thé ou puis leur avant café. Avant ça, c'était quoi? C'est les Gatorade. Les Gatorade. Puis, avant puis, ça, c'était du Coca-Cola avec de la Coke, 100 ans passé. Les jus, là. Y avait les Vitamin des... Water. Non, ben, je savais que ça en était un. Mais, les Ocean Spray, temps, les Orbits. Il y avait des conseils dessus, me semble. Ah, c'était les Sobeys. Non, les Fruitopia. Fruitopia, oui. Il y a des belles pubs. On se rapproche en âge, fait que les pubs de Fruitopia des années 90, ouais, c'était hot en crise. Mais à ce moment-là, l'impact, là, selon moi... c'est pas moi, pareil là, comme hype. Là. Mais le hype... Je sais pas d'or pour le nouveau Fruitopia. Là. Regarde, moi, j'ai une question, puis peut-être ça va changer au prochain sujet, mais du Fruitopia, c'était-tu du overhype? Puis c'est quoi du overhype? Ben, ça, c'est un bon point. Le surengouement, qu'est-ce mettons quand l'engouement est à 110, là, mais quand t'arrives et tu t'en bois ou tu y goûtes ou tu achètes le produit, t'es à 50. Là. Un mot. C'est quoi Milter, du surengouement? Pour toi, quoi qui a été surengouté? Juste une fois, un overhype pour toi. OK. Hey, sérieux. OK, Milter, il aime tout. André, non, un overhype Saint pour toi. Saint-Trou 4. Okay. Est facile. André, un overhype. C'est ça, je voulais pas dire lui. Mais... n'importe quoi, film, jeu, bouffe, resto... toilette publique. Je peux-tu en dire un méga overhype? Ok, mais tu as pensé, parce qu'André, il pense encore. Zombie U. Ok, sur parfait. La Wii U. C'est vrai, c'est un parce bon que hype tout de le monde jeu, en ça. Parlait comme si c'est révolutionnaire. Mais il n'y a pas le choix de parler de ça. Là. Puis j'en doute c'est pas, une là, console, je comprends là. Le marketing, mais... André, il pense dur, là, il choisit ses mots. Là. Ben, c'est parce que honnêtement, je suis quelqu'un d'assez... Ben, le monde l'a remarqué en 25 épisodes. Je cherchais une déception. Je suis quelqu'un de positif dans la vie. Je me dis quelque chose que j'ai capoté, puis que... Non, quelque chose que tu t'attendais regarde, à capoter. Ben, regarde, Eric, vas-y, je vais réfléchir quand même pendant ce temps-là. Peut-être que je vais t'aider dans ta décision, mais moi, les overhypes, c'est quelque chose que j'ai appris à pu arriver. Fait que j'ai eu des expériences de overhype dans ma jeunesse, mais maintenant, à cause que j'ai appris de ces déceptions-là, j'essaie de limiter, de me surexciter pour le un jeu. Le dernier Assassin's Creed, ça n'est un pour moi. Moi, le même, là. Pas pour moi, mais... Je l'attendais pas tant que ça, je voyais le hype autour de moi, j'ai dit « fuck off, tout le monde dit qu'il est bon » ou quelque chose de même, je vais l'essayer. J'ai choqué après trois heures. Je vais dire le mien après, là, mais... J'en ai un, moi, puis encore une fois, le monde... Envoyez-moi vos réactions sur Twitter, vous m'aimerez peut-être pas, là, mais... Regarde, moi, je vais vous donner un indice, là. Tout le monde qui me dise « ouais, mais à partir de la saison 2, c'est bon ». À partir de la saison 2, là, ça veut dire que j'ai écouté en moyenne j'ai 12 heures de 10 ou 12 que épisodes que j'ai perdu. Fait que c'était quoi? Breaking Bad. Moi tout. Mais Breaking je veux pas Bad, dire si vous, le monde je voulais pas dire ça. Moi, je vais y aller et je vais le dire. Breaking Bad, là, regarde, OK, ça a gagné des prix. C'est la grosse coche. Je suis pas capable d'embarquer. J'ai tenté de pas saisons. La première saison. Non, mais j'ai écouté, le pilot est bon. Le pilot est bon. Je l'ai pas écouté encore. Mais c'est bon, mais c'est pas quelque chose qui a fait. Ça, là, OK, let's go. Puis là, tout le monde m'a dit, hey, voyons donc, t'es pas normal, puis t'inquiète, hey, attends peu, là. Puis ça part à saison 2. Attends peu, saison 2, là. Ça veut dire, il faut que je n'aie écouté en maudit. Je m'ai fait pour dire la même dedans, chose pour les Sopranos. Moi, au début, je disais, la saison 1, je dis, il me semble qu'elle est bonne, mais il y a beaucoup trop de religion, puis de prêtres là-dedans, puis tout, puis de niaiseries de gars qui parlent avec sa femme, puis tout. Puis tout le monde me dit, ah, tu vas voir, c'est la saison 2 que ça commence. Là, je suis comme, OK, fait que je me tape tout ça. J'ai un overhype. Ouais. Vas-y, Eric. Ocarina of Time. Ouais. Ça, c'est quel, ça? Attends, là, je suis fourré, là. Pas le Majora's pas Mask. OK, Majora's Mask. Ben, moi, même Ocarina of Time, Ocarina of Time. N64, ouais, j'ai adoré. Moi, je me suis pogné avec Frank Lavoie dans le temps. Salut, Frank. Je m'excuse, je vais exposer notre linge sale en public. Frank Lavoie, selon lui, c'est qui, t'as pas Frank? Aimé Ocarina of Time, c'est un de mes anciens partenaires. J'ai adoré Ocarina t'as of pas Time. Aimé Ocarina of Time, t'es pas normal, puis j'ai pas trippé. C'est vrai que t'es okay, pas normal. Majora's Mask, c'est mon overhype pour moi. Majora's Mask, c'est vrai qu'il est pas super comparé aux autres. Mais j'ai plein d'autres comme overhype que j'ai honte de, mais que je vais pas avouer de ma jeunesse. Mais tu sais, j'ai été overhype, exemple, m'a dit Thunderdome. Pour moi, c'est un overhype. Je vais-tu loin, là? Puis, je vais faire un gros aveu de overhype. Puis, pour moi, ça va tuer, surtout concernant la t-shirt que je porte en ce moment. Oh, boy. Mais Back to the Future 2 et 3, on parlait de leçons de overhyping. Ouais. C'était des films que, à l'âge que j'avais, puis je sais qu'il y en a là-dedans, vous voulez pas l'admettre parce que c'est peer pressure de nos jours. Mais pour moi, le Back to the Future 2 et 3, excellent et parfaite mémoire dans mon enfance que c'est maintenant. À 13, 12, 13 ans, j'avais su les nouvelles de ça, je m'avais bâti, je me disais, ça c'était pour être les affaires, c'était pour être les meilleurs films qui ont jamais été créés de la vie, parce que Back to the Future, c'était ma première expérience de film. Puis j'ai vu Back to the Future 2, j'ai été déçu. J'ai été déçu de un, parce qu'on n'était pas dans le futur pour bien longtemps, puis... Ça, c'est Back to the Future d'un point de vue d'un 12 ans. Là, on l'oublie, ça, des fois. Ouais. Mais j'étais déçu en crise qu'on était retourné dans le horrible period. Passé, 1985. 85, maintenant avec Biff en contrôle. Puis le 3 aussi m'avait un peu déçu dans le temps, mais c'était l'âge. Moi, puis j'ai adoré dans le temps le 2 et le 3. Pour moi. Puis j'ai, mais j'ai aimé, mais j'avais créé des surattentes pour moi. Puis c'est ça, puis j'ai appris à ça. Maintenant, je m'excite plus. Mais je pense que j'apporte un sujet quand même assez intéressant là-dedans. Mais je suis plus contrôlé. Pour faire partie de l'engouement, je pense qu'il y a une chose qu'il faut parler. Faut que tu fasses attention. C'est les attentes puis la gestion des attentes. Ouais. Moi, il y a des choses qui arrivent, puis je vous donne un exemple. Moi, j'étais un gros fan de Mass Effect. J'avais fait Mass Effect 1, j'avais fait Mass Effect 2. Puis je suis le genre de personne que maintenant... J'ai fait le 3 également. Ouais. Mais... Pardon. Grand fan, il n'a mais... pas fait le 3. Je savais qu'il y a trois fins différentes. Oui, il y a plusieurs fins différentes, apparemment. Il y avait des cupcakes aussi, je pense. Ouais, on en a parlé un peu dans notre podcast de Comic-Con. Justement, que vous pouvez écouter, qui est excellent. Mais l'important là-dedans, là, je pense, c'est que moi, j'ai appris à gérer mes attentes. Moi aussi. Voulant dire que, mettons, Mass Effect, à un moment donné, quand on se rapprochait de la sortie du jeu, j'ai dit, à partir de maintenant, je n'écoute plus aucune bande-annonce, je ne lis plus aucun article. Je parle plus au monde à propos de ça. Moi aussi, je fais ça. Puis je me ferme. Moi, je fais ça. Parce que ça, j'avais peur de faire « Ah, oh, j'ai vraiment, vraiment hâte de le jouer, puis ah, oh, je suis moins... » je contrôle mes attentes, puis honnêtement, ça m'a aidé à apprécier beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de nature positive dans la vie, puis je pense que la gestion des attentes et l'engouement, c'est la plus importante. C'est deux choses qui vont s'affronter c'est souvent à ce moment-là. C'est le self-control, que si tu contrôles bien, tu vas apprendre à apprécier les choses pour qu'est-ce qu'ils sont. Exactement. Puis je veux pas, je sais pas si on est là pour en parler aussi, on va en parler, mais épisode 1 de Star Wars... Excuse-moi, là, mais j'ai 34 ans. Là. Quand ça a sorti, là, Star Wars, c'était mon univers de jeunesse à son meilleur. Fait que je pouvais plus contrôler. J'ai essayé de pas contrôler mes ça, attentes. Ça, j'ai eu de la misère à me contrôler moi aussi. Mais à cause que je savais que... Tu t'es pris congé le lendemain. Là, mais aller moi, je savais que nuits. Si j'étais pour m'attendre... pour moi, j'avais décidé de pas m'attendre pour rien. Parce que si je m'attendais pour mes attentes que j'avais bâties dans mon enfance, forget about it. Mais faut que des fois t'aies des situations comme ça où ce que tu t'attends tellement, puis là tu te fais crushed. Je me suis pas fait crushed, mais il y en a qui sont fait crushed. Moi oui. Moi, mais là ça garantit un peu le hit du prochain Star Wars, je dis ça de même là. Mais à cause qu'il y a tellement de monde qui ont été déçus avec le 1, 2, 3 maintenant, qui ont un âge un peu plus mûr, que là ils vont être plus ouverts à pas avoir d'attente, puis ils vont l'apprécier mieux. Puis je mets aussi, en parlant de hype, les matrices. On fait que toi, dit, ce que tu dis dans le fond, c'est que ça te prend une déception pour un peu contrôler ton attente. Mais faut que tu apprennes. Mais c'est la tout morale, le monde doit vivre sa première c'est des déception, leçons de moralité, c'est des leçons de vie. Tu apprends pas à aimer quelque chose ou à être... Si tu fais pas mal à quelqu'un quand t'es jeune, puis tu vois la réaction que ça donne à cette personne-là, puis ça te crée un mais ça, c'est ce qui fait mal, les hypes qu'on, après, qu'on on peut dire les hypes fondés puis les hypes non fondés, dans le sens que oui, tu sais... Comment dire ça? Le monde, je vais revenir à GTA, mais le monde qui sont allés l'acheter à minuit puis qui ont mis leur cadran là, pour se lever à 11h pour être le gars en file à minuit, d'être 400 au microplay qui la jette, puis la grosse c'est affaire. C'est un fan. Oui, mais si le lendemain, là, tout le monde est déçu, là, puis tout le monde est en tabarouette... Mais ça va se publier mais rapidement sur Internet. Je sais que c'est pas le bon exemple parce que GTA, ça arrivera probablement pas. Mais on s'entend, Milton, que GTA, ça a changé le monde des jeux vidéo comme qu'on connaît. Il y en a des jeux ou des films que le monde va le voir à minuit, le jeudi pour le film ou la jette le lundi à minuit pour le jeu, puis que finalement, ils font comme tabarouette. Ouais, tu sais, j'aurais dû pas l'acheter, puis encore moins l'attendre à minuit, fait que... Mais il faut que tu hypes quelque chose qui est hypeable. Mais moi, je pense que... Je peux-tu dire une déception ben oui, de même ben que oui. J'ai eu? Vas-y. J'étais un gros fan de zombies, puis il y a du monde qui vont m'haïr pour ça, là, mais Dead Island, là... Le premier, là. Il est bon, moi, le premier. J'étais hypé, là, comme ça se peut pas, là, avec la vidéo. Je fait pas que t'as pas appris les leçons qu'on a expliquées. Mais c'est là que la gestion des attentes, je pense que... je le trouvais... Je trouvais le vidéo... Là, mais là, vu que c'était pas du gameplay... C'est pas du trailer, c'était, là. C'était de, un trailer la, à l'envers, la à l'hôtel, genre, là, ouais. Tu sais, puis la famille à l'hôtel, tout le monde s'en souvient. Mais c'est le fait que tu vois ça, puis là, tu te fais dire à la fin du trailer, c'est genre... Boum, ça sort dans un an et demi. Puis là, tu fais comme... Oh, j'ai juste ça d'information pendant un an et demi. Fait que c'est sûr que tu trouves ça hot parce que le vidéo, il était incroyablement beau. Mm. Mais quand t'arrives au jeu, je dis pas que c'est de la merde totale, mais c'était loin de à qu'est-ce que je m'attendais. Techniquement, tu pensais-tu que c'était pour être comme dans le trailer? J'ai tellement joué à Dead Island. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment mieux que c'était. Quoi qui est différent entre Dead Island et Dead Rising? Qu'est-ce qui fait Dead Rising mieux que Dead Island? Tout. Le storyline, les contrôles... Je veux, au niveau gameplay, qu'est-ce que ça l'offre plus dans... Ben, le third-person view, puis le côté survival, de trouver tes affaires, puis de regrouper du monde que tu traînes avec toi, est beaucoup plus évolué que faire tout le temps la même mission, puis amener de l'eau tout le temps à la même personne qui est dans la tu même cabane. J'ai réalisé en crise, là. Non, ouais. Mais... Ou tu t'es pas rendu loin dans The Island. J'ai fini, là, le jeu, là. Ok, c'est... mais ça, c'est un autre affaire. Comment un tu exemple? Peux dire que t'es déçu, mais tu le finis par ouais, moi, j'ai joué jusqu'au soit, bout je parce que pas. Je suis arrivé à jungle, là, puis là, t'es rendu que t'as des gars dans jungle, t'es dans une genre d'arène le en deux, bois, puis qui garagent des le live, zombies. Là, t'as eu 25 minutes où c'était un jeu fucking malade, puis t'aimais ça. 25 minutes, oui, là. c'est pas beaucoup, là. J'ai trippé. J'ai this aimé is what le jeu we call au début, progress, Michael. Mais... Je pense qu'il aurait pu. Il y avait de quoi faire pas mal plus hot que ça. Puis comment qu'il le vendait au début, c'était d'autres choses. Non, moi je pense. Le techniquement, moi je m'attendais à un autre survival horror. Mais j'ai un vous autres, slash, si vous connaissez l'histoire de Dead Island, mais avant que Dead Island soit fini par ce studio-là, c'était par un autre studio qui a fait faillite, que ça a été racheté. Puis c'était supposé être un GTA style. Mais ça a été sur pas une loin, île. Là, ouais, mais c'était plus à la fin, c'était plus un Skyrim Oblivion style. Mais c'est quoi, je pense que ça aurait été un GTA style. Si ça l'aurait été. Ça aurait été trop pareil à Dead Island, à Dead Rising. Ouais, mais Dead Rising dans ce temps-là était plus ou moins établi. Puis... C'était Pokémon, mais, avec, mais des... c'était Pokémon là, Snap avec des zombies. Mais en tout cas, State of Decay l'a fait par après, puis il y a eu un hype là-dessus avec, puis gars, ils ont réussi pas mal, ouais, plus que Dead Island. State of... Ouais, mais State of Decay, par contre, la gestion des attentes, c'est que le monde se disait c'est un studio indépendant, puis c'est un Xbox Live avant, Arcade non, Game. Avant, non, au début, c'était... ça fait longtemps que fait le monde parle de ce jeu-là. Dire... C'était un indie quand c'était même. C'était un indie hype. Fait que les attentes étaient moins élevées. Mais c'était un indie hype pareil. Oui, les attentes étaient moins élevé parce qu'il y a moins de monde qui sont en train d'en parler sur leurs réseaux sociaux en train de mettre ça exponentiel. On apporte un très bon point parce qu'on a parlé du overhype, on a parlé du hype, mais là il y a les sleeper hits qui sont des hypes plus tard. Beyond Good and Evil. En film, en jeu, etc. Beyond Good and Evil est un exemple. Il y a les hypes par après, comme mais, tu dis, mais comme les, c'est comme des sleepers, là. Earthbound, il y avait un hype. Je m'excuse. Earthbound, il a pogné dès le début, lui. Oui, puis, mais je m'excuse. Il était très limité, qu'il y a eu du talk dessus non. par après, au non, travers vrai, des ça. Années. C'est pas vrai. Tu regardais un Nintendo Power, tu lisais un EGM, tu lisais un Game Pro. Dans le temps de mais Earthbound, c'était hypé autant. Ils ont quand même vendu jusqu'à 90 000 copies, genre, en Amérique du Nord. C'est à cause que l'Amérique du Nord n'a jamais été un gros marché de RPG, surtout pas dans ce temps-là. Mais avec tout mais le parlage, un bon core de après, oui. le monde oui, en a tellement parlé, puis c'est devenu culte. Quelqu'un qui est sorti sur Wii U en download. C'est qui jouait à Earthbound en 1997? C'était du monde... qui trippait Internet, c'était des geeks, c'était du monde ouais. qui était avant la courbe. Mais justement, fait qu'à cause de ils ça, ont ils vendu les premiers plus à hyper en ça. Download aujourd'hui à cause du hype d'un jeu au travail des années. Ben ouais, mais c'est à cause qu'ils ont vendu à un core très puissant qui a pu vendre ce jeu-là parce qu'il était... ils ont pris avantage de le nouveau stock de marketing. Oui, c'est jour. Ça. La nouvelle on parlait façon des jeux de comme ça, là, un jeu. Ils ont fessé le noyau parfait à vendre ça. Ben ouais. C'est comme si tu vends ça à des futurs... Ça, c'est un hype buildé sur 10 ans, là, quand tu y penses. Là. Mais ça paye off ouais, ouais. pour eux autres là, quand même. Puis c'était bon le jeu. Mais moi, ça, dans, dans le montage, j'avais pas aimé ça. Ça, c'est du after hype, dans le fond, parce que c'était sûrement pas planifié. Dans le sens que c'est... Earthbound, c'était marketé mais comme ils ont... un gros oui, mais ils ont hit, sorti là. Le jeu. C'était un bon jeu. Puis c'était puis c'est advertisé fait... en crise. C'était... Oh, oui, je veux pas dire que c'était un flop, temps, là, mais c'était... advertisé. Mais le jeu, il a passé le test des années dans le sens qu'il est encore aussi bon. Fait que vu que c'est culte et c'est populaire, à cette heure, aujourd'hui... ils l'ont sorti sur mais console aussi c'est un bon dans jeu. L'autre. Mais c'est ça que je dis. Parce que je veux dire, t'as ce même genre de culte following-là, mais t'as des chaque fou, tu sais. Ouais, mais il n'y a pas du monde qui vont se garocher pour chaque fou le downloader à 5$. Mais tout le monde connaît chaque fou. Tout le monde le connaît. Est-ce qu'ils ont gagné? Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le vendre à ouais, 5$? Ben, vu de même, Virgin je suis d'accord avec ça, toi, là. Mais tout le monde le connaît parce que tout le monde l'a loué en se disant c'est un fighting game de plus. Puis mais dans le temps, moi, j'ai été overhypé par chaque fou. On est rendu à chaque fou, André. Moi j'ai pas. Été overhypé à chaque fou. Je veux moi. Pas dire overhypé, mais je l'ai vu. J'étais curieux quand j'étais jeune, ces tablettes. Puis j'ai dans fait, comics, ah, dans les. Ben dans pas, les je vais l'acheter, jeux, je vais là, louer, je veux dire. Ce que j'ai chaque pas fou, ça. Là, t'avais des photos là, de Delphin Software là, qui est en train de. Hey, de Delphin, des... Little Big Planet. Non. Non les, Flashback. Non, mais t'avais Flashback, mais t'avais. Non, excuse, je le mélange avec Adeline qui faisait Relentless ouais. Little Big Adventure. Mais c'est correct, c'est pas pire. Excusez. Il y a eu tout mais chaque fou, on parle de hype. Il faut qu'on parle de chaque fou. Mais chaque fou, c'était très hypé. Parce que From the Makers of Flashback, From the Makers of Outland, Outworld, moi, je me disais le rotoscope. Là. Tout, là. Tu voyais des grosses photos là, de chaque qui est en déguisement, lui live, en train de faire des kicks et des mouvements capturés par la caméra. Puis ils ont utilisé ça, puis ils ont dessiné par-dessus pour le mettre dans le jeu. Ça, c'était très hypé, puis technologiquement... Mais on c'était... s'attend, dans le temps, il y en avait un, par contre, qui avait eu un engouement, puis c'était un... Ils ont bien joué leur game aussi. On parle d'Earthbound. Death and Return of Superman. Ouais, le jeu, ouais. là... Mais d'un, c'est une licence fort. Épique. La licence c'est était là. Soft, mais je me souviens que mais... le monde s'attendait à grand c'est qui chose, qui l'a fait? Beaucoup, là. Blizzard. Fuck yeah. Mais le monde s'attendait à quelque chose, dans le sens que, wow, t'es Superman en un peu 3D... Mais c'est un beat'em up. Est-ce que c'était au... Ouais, mais le monde, tu capotes, là, quand tu penses à qu'est-ce que c'est, dans le sens que c'est un peu un free world, dans... mais t'es Superman, tu peux voler, tu peux... Ouais, tu fais glider un peu. C'était le premier Infamous, ou le premier prototype, quand tu y penses... Wow, là, on est loin en crise. Non, on est loin, mais tu sais, c'est un genre de free, un peu sandbox, free world. Tu sais quoi, me dire ça de même, voles, mais puis... Teenage Mutant Ninja Turtles, de Ultra slash Konami, était plus open world que Death and Return of Superman. Ben, on parle de quoi? Attends, c'est-tu moi là, qui parle pas du bon? Là, non, ou... toi, tu parles de... Je pense que moi, tu parles de Nintendo 64. Free World que tu volais dans les airs. Il y a Superman Returns. Ça, c'était Nintendo 64. Moi, je pense que c'est ça. Celle de Nintendo... Et Superman 64, dans le fond, que je parle. Vu comme un des pires jeux de toute la création. Moi, je parle de Death Return of Superman avec André de Blizzard, qui est un beat'em up. OK, ouais. Hey, Aquaman, Xbox. C'était pas hype. Ben, c'était hypé, oui. Mais, en tout cas... Mais, moi, j'ai une question par rapport à ça. L'engouement, puis tu te le quittes, là. Il y a Superman Returns aussi au Xbox 360. Ouais, ça, mais, c'est dommage. Ça, mais l'engouement, mais en réalité, qui le crée? Oui. Nous. Monsieur. Qui va créer l'engouement, mais qui va être victime de l'engouement? Toi-même. Fait qu'à la limite... Les deux, c'est toi, ouais. Toi-même, tu vas créer ton propre engouement et l'engouement de tes proches. Oui. Et tu vas être victime toi-même. Donc, à ce moment-là... De faire ça avec les jeux, la femme, Facebook, les enfants... Facebook, Twitter, quand tu partages des vidéos, quand les gens vont commenter, quand les repartager, like les affaires de même... Quand tu likes 25 pages de Grand Theft Auto, là. Exactement. À ce moment-là, t'es comme l'artisan de ton propre bonheur ou malheur. Oui. Parce qu'ils peuvent te livrer... Un jeu, un film, une BD, un livre, un produit fini qui va être vraiment complet. Mais d'un autre côté, quand tu vas donner de l'exposition, tu vas vraiment aider les... Et tu le fais des deux côtés, hein? Mais oui. Parce qu'on n'a pas parlé trop de consoles, mais un exemple parfait est PlayStation 4 et Xbox One de nos jours. On s'entend que l'opinion publique Internet... Elle est très PlayStation 4 en ce moment. Qui compte pour 2% de l'opinion mais, publique. Oui, ça c'est tout un autre argument, mais en ligne, c'est le PlayStation 4 qui a un bon engouement de la foule et du crowd en ligne. Mais il est tellement fort que là, il y a un contre-engouement qui commence à se créer à cause qu'il y a tellement de monde qui dit comment est-ce qu'ils ont tellement bâché le Xbox, ils ont tellement bâché, etc., que là, tu commences à voir des gens qui se lèvent la main et puis disent « Non, moi, je veux ça. Pourquoi? » Peut-être à cause qu'ils aiment ça, mais aussi... À cause qu'il y a tellement de l'engouement pour un produit que tu le crées l'autre. Le underdog sort de... Ouais. Puis ça va loin. Ça, je veux dire, je veux pas c'est aller la loin. C'est la psychologie inversée quasiment. Regarde, on a des manifestations des fois dans les rues. Tu mets tellement de gens dans les rues sur une idée, sur une idéologie dans les rues. Éventuellement, il va y avoir un noyau fort qui va créer sur l'autre et qui va rentrer là-dedans puis qui va faire du dommage. En tout cas, s'il faut que je descende en rue pour avoir une Xbox One gratis, me le faire n'importe quand. Faites un event sur Facebook puis invitez-moi. Je veux ma Xbox One. Je suis prêt à descendre dans la rue. Tu l'as pas pre-orderé encore? Moi, je vais en Day One Edition. Je sais pas. J'ai peut-être des pre-orders. J'aurais voulu prendre la PlayStation 4, moi, personnellement, parce qu'il est bien hypé. Mais j'ai entendu lire que sur Assassin's Creed... l'orteil droite du protagoniste est moins bien faite de sur PlayStation 4. Fait que le PlayStation 4. Il y a un aspect du hype qu'on n'a peut-être pas touché aussi, puis c'est une pratique un peu récente, mais je vais prendre un exemple, puis c'est quelque chose que les gens s'en rendent peut-être pas compte nécessairement, mais certaines compagnies vont nous habituer à utiliser une marque avant même qu'elle sorte. Je vous donne l'exemple. On a Watch Dogs de Ubisoft qui va sortir dans pas trop long. Très bien. Marketing campaign épique en Watch Dogs qui a son application pour Android et iPhone, qui est un jeu de réalité augmentée où on pirate des points de rue et des choses comme ça, mais tout ça sous la brand avec l'interface Watch Dogs. Donc, on est déjà conditionné à l'utiliser et l'aimer. Technique, ça. Mais c'est une nouvelle technique, effectivement. Vu que les téléphones intelligents sont populaires, on va aller les chercher sur leur téléphone tout de suite. Mais en fait, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, mais c'est une manière nouvelle de le faire parce que la réalité augmentée, eux autres, ils ont toujours fait des essais. Je m'en souviens, c'était quoi? C'était dans Batman qui avait caché certains items dans le vrai monde physique. Tu trouvais un téléphone puis tu avais une boîte vocale avec des messages du Joker. Puis... Mais si tu le trouves puis tu joues pas au jeu, qu'est-ce que tu fais? Tu gâches simple, le fun à bien du monde. C'est ça. Là. T'es simple peinard citoyen nowhere qui joue pas à des jeux, qui fait sa petite vie, qui marche. Tu poses une méchante bonne question là, parce que pourquoi qu'il y a un bonhomme qui rit de moi, c'est la boîte vocale du téléphone que j'ai trouvé. Mais si tu connais Batman, mais tu connais pas le jeu, Tu dois tripper. Ben, soit ça, ou tu capotes en esti, puis tu vas fou, là. Ou tu penses que quelqu'un de John Joe. Ok, j'ai vraiment pété ma coche drette là. J'hallucine mais, des voix au téléphone. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Milter? Mais moi, je trouve ça écœurant, le concept. Mais en même temps, c'est pas assez répandu, justement. C'est pour ça que je dis un peu, je niaise avec le bonhomme, le monsieur Nowhere qui trouve ça. Mais. Je trouve ça écœurant des jeux de réalité augmentée, on regroupe du monde, chercher des affaires dans la ville ou quelque chose. Mais on s'entend que c'est tout le temps le nobody, qui sait même pas qu'est-ce qu'il cherche, qui trouve l'affaire, puis que c'est qu'est-ce que c'est ça, puis ça gâche le. Dis nobody, tu veux dire n'importe qui d'autre qui est pas. Un vieux monsieur Robineur qui quête dans le parc, c'est lui qui va trouver l'affaire que n'importe qui d'autre fallait qu'il trouve avec son petit jeu, avec son cellulaire. Tu sais, c'est. C'est pas assez répandu pour être une affaire qui est vraiment hyper la fun. Oui, ça s'en vient. Un peu comme Ingress, pis ces affaires-là. Là, c'est... Mais c'est ça que l'application Watch Dogs est, là, c'est pas loin d'Ingress. C'est une copie d'Ingress. Je suis sûr que tu peux gagner un char Dodge là-dedans quelque part. C'est sûr. En fait, ils ont même été jusqu'à un moment où tu pouvais faire exploser une vraie voiture. Oui, ça, j'ai vu ça. Tu te souviens aussi dans le temps de Halo 4. Non, Halo Reach, excuse-moi. Il y avait comme un truc où tu t'enregistrais, puis tu avais comme un point, puis ça gravait une statue dans un vrai bloc avec le monde qui likait. Puis cool. Ça, c'était cool parce que tu vas dire, mais regarde, le bloc 18A45, c'est moins ça. C'est une manière de bâtir ça. C'est des manières qu'ils trouvent toujours des manières les plus interactives possibles de nous faire interagir. Mais moi, je trouve ça le fun, mais il y a le côté utile à la chose. Je sais pas comment dire ça. Là. Si ça serait plus. Il manque un petit quelque chose encore pour m'avoir. Je sais pas c'est quoi, là. Comme c'est quoi qui manque dans GTA V pour t'avoir? J'en ai aucune idée, mais ils ont une application, eux autres, que tu peux avoir. iFruit, qui rit de iPhone dans un sens, puis Apple, là, iFruit. Puis tu peux customiser ton char sur le téléphone. Mais encore, je trouve ça plus ou moins pratique. C'est juste pour te rappeler que t'as GTA. Ça, c'est un ajout, ouais. Moi je pense que c'est branché. Plus pour quand t'es à la job, te rappeler que t'as GTA qui t'attend chez vous, puis te faire penser à d'autres choses. Puis c'est toute une question de nous garder connectés, nous faire rester dans l'univers qu'on faire rester joue, là-dessus, accro d'une manière à ça, ou d'un autre. C'est ça. Mais ça, c'est une autre façon de builder un hype, mais avant ou après, tu sais, genre, ça, c'est une façon de te garder accroché plus que builder le hype. On parlait on parlait un petit peu en Comic-Con un peu de Mass Effect puis le multijoueur. Ouais. Mais eux, quand ils ont sorti le multijoueur, ils ont fait des études puis il y avait les maps, les grosses maps qui duraient 40 minutes. Ils se sont rendu compte que comme personne, 40 minutes, après que tu as fini de jouer 40 minutes, bof, tu vas te coucher. Ouais. Puis t'es tanné. Mais si tu jouais 20 minutes et ensuite tu gagnais des... Puis ensuite tu gagnais des cartes un petit peu à la Magic ou à la... Upper Deck où est-ce que tu peux gagner des prix pour unlocker du shit, mais à 20 minutes c'est j'aime ça, je veux un autre, et de là ils ont bâti un fucking hype de fou où ce que les gens ils savaient pas que c'était pour être bon à un puis petit peu de personnes qui aiment ça sans arrêt à cause qu'il était accro, puis tu partages tes achievements en ligne, tu partages tes achievements dessus Facebook, dessus Twitter, les gens ils voient que tu joues, que lui joue, que ça elle fait une joue. Communauté puis ah, ça s'alimente c'est par plein soi-même d'autres. Maintenant. Parce qu'il y a le hype avant, mais il y a le hype après qu'il faut que tu le gardes vivant puis que tu aies eu des surprises sur le coup pour que le monde fasse comme « Oh shit, c'est pas mal mieux que je pensais. C'est pas mal plus hot que... » Quelque chose que Mother Earth avait pas originalement, mais l'ont eu 20 ans plus tard. Genre. Mais pour conclure, dans le fond, là, ouais. Je pense que en 2013 puis dans les années à venir... Le consommateur Earthbound 2, va avoir un rôle vraiment crucial dans l'engouement. Voulant dire que on interagit avec les médias sociaux, on va partager des choses comme ça, puis c'est nous-mêmes qui va créer à ce moment-là l'engouement de nos proches. Fait qu'autrement dit, je pense qu'on est pas mal tous d'accord là-dessus ce soir, mais la bande-annonce qu'on va partager, l'image qu'on va partager, okay, le plus qu'on va parler de quelque chose, nous-mêmes, gratuitement, on fait la job des compagnies de publicité. Mais ça, ouais. C'est correct. Mais on aime ça. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de notre nature de on partager de quelque chose qu'on aime. Puis d'avoir notre opinion validée. Ça, c'est encore mieux. Là. Ça, c'est nature humaine à son meilleur. Ouais. Ouais. On veut pas être différent. Là. Fait qu'on est tellement sa planète que les compagnies ont juste Facebook, compris. Les petits likes Facebook, on aime ça parce que le monde, il pense comme nous autres. T'aimes un film, si t'aimes un jeu... Ton ami est chez vous, puis tu veux voir sa réaction, comment est-ce qu'il aime tu ça. Tu veux lui montrer, puis c'est lui que tu regardes plus que le film, parce que tu l'as voir vu, à ce moment-là, je veux voir comment il réagit. Puis... Fait qu'en finissant, guys, qu'est-ce que vous avez de l'engouement pour? Qu'est-ce que vous attendez, là? Moi, présentement, c'est les nouvelles consoles. Que ce soit Xbox One ou PS4, c'est pas que j'en veux une plus qu'une autre ou peu importe, j'ai juste hâte d'y voir. Si j'ai l'argent au moment qu'ils sortent, je les jette. Non, mais je veux dire le jour même. Dès que j'en ai une en face, j'ai l'argent, go. C'est quelque chose que je veux. Je vais peut-être pas coucher dehors. Va dépendre de mon budget. Pas besoin. Mais tu peux planifier en avance pour ça. Ben oui, là, mais tu sais, pareil, t'as beau réserver ta copie ou ta console, tu y vas à minuit, pareil, parce que tu veux qu'elle soit pluggée dans ton salon pour minuit et 10. Eric? Ça a l'air... Ben, j'suis un gros gamer, puis Blizzard, j'adore. Ça serait whatever qui est le projet Titan. Là, pour moi, en ce moment, c'est où ce que mon plus gros engouement est. Puis c'est un genre d'engouement que je me sens que je me... On parlait un petit peu de contrôler nos attentes. Celle-là, je fonde à peut-être mes surcréés, puis je pense que je l'ai fait déjà. Mais j'ai de l'engouement pour ça personnellement. Voir c'est quoi le prochain MMO de WoW, de Blizzard. J'aime ça. Penses-tu que ça va prendre le dessus, remplacer l'autre? Qu'est-ce que j'espère? Puis tu vois, ça fait partie de mes attentes qui vont sûrement être ruinées quand ils l'annoncent officiellement. Mais moi, qu'est-ce que j'espère personnellement, c'est que ça soit quelque chose qui est bâti au-dessus de WoW. Un méga upgrade de WoW, genre. Là. Parce que ils ont deux choix en ce moment. Là. C'est soit qu'ils misent sur un produit, un nouveau IP dans un marché très volatile, ou ils misent sur qu'est-ce qui est sûr, puis ils disent que toi, ton mage que t'as fait en 2007, que t'as arrêté de jouer parce que le jeu était rendu plate, mais guess what? Tu peux le jouer encore, tu rappelles-tu de son nom? Boom, look at this beautiful world. Ouais. Mais tu vois, ça c'est... Preuve, écoutez ça dans 5 ans, je sais que j'ai fucking sur-engoué mon affaire. Mais en tout cas, ça c'est qu'est-ce qui m'excite en ce moment, là, parmi d'autres choses, mais ça c'est majeur. Excellent, excellent. Toi, André, ou... Ben, gars, moi, mal dire, là, de même... Là. Ah, tu vas dire la réponse à André? Tu vas dire que j'ai de l'engouement? Okay, toi, t'attends le prochain Star Wars. Non, mais, même pas. Non, même pas, non, OK. Ah non, mais on a tous vu le Star Wars épisode 1, fait que je pense qu'on a appris cette leçon-là, nous autres, là. Mais moi pour les consoles, là, Maître Frank, vous autres, là, je sais que je reviens là-dessus, mais je m'attends à rien. Dans le sens que j'ai déjà de la misère. Ben c'est ben non, justement, parce que quand je vais plugger, j'ai juste l'impression que je vais me faire bombarder de surprises. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai rien. Non, mais je m'attends à rien pour m'attendre à rien puis être surpris. Peut-être que oui, peut-être c'est un sur-hypage que je me reverse psychology là, à moi-même. Là, mais on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter de plus. Que présentement, tu sais, moi, là, je joue à GTA, puis quand je joue pas à GTA, je suis sur Twitch, sur mon Xbox, en train de checker du monde live, jouer à GTA. Parce que t'aimes pis ça. Puis quand je suis pas en train de faire ça, je check Netflix, puis tout sur ma console. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait me donner plus comme service de divertissement que je m'attends à rien de plus qu'une même console que j'ai là, en peut-être mieux faite. Fait qu'André. Tu sais. Mais toi, André, t'as-tu de quoi que tu vas dormir dehors? NHL 15? Non? C'est Earthbound 3. Earthbound 3, Final Fantasy 17. Ninja Turtle. Ninja Turtle. Ouais. T'as pas déjà fait ta leçon de celle-là, par exemple? T'es pas zen pour celle-là? Ben, t'es pas reculé un peu, pis dit... Non, mais en fait, au début, j'avais peur quand il était parti dans son délire. T'es hypé, Ninja Turtle, curieux, c'était des genre. Ben, non, mais en fait, je suis hypé parce que je capote. Tu as vu le goût qu'il y avait dans Teenage Mutant Ninja Turtles 2? Je pense que ça vient d'une météore, ça. Ben, tu le vois dans le 2, là. Oui, mais que ça vient d'une météore, mais que ça soit passé sur Terre. Moi, je veux juste pas que ça soit des extraterrestres, mais là, il l'a cancellé. Puis, j'ai vu les images, puis le monde ont bâché, puis ils ont fait comme, oh mon Dieu, pourquoi c'est elle, l'actrice qu'ils ont pris? Megan puis, Fox. Pourquoi ils ont pris Megan Fox? Megan Fox, bla, bla, bla. C'est très belle. Regarde, t'es homosexuel si t'es pas pour cette femme-là. Là. Honnêtement, j'ai juste hâte de voir le film. J'ai vu le art style du dernier jeu. Je pense que c'est-tu Ubi qui l'a fait. Ouais, le jeu de... Non, c'est Activision. C'est Activision. Ouais. Ils ont l'air un peu plus tortue, un peu plus... Ben, un peu cartoon. Méchante, ouais. Mais cartoon. Je trouve qu'ils ont de l'air comme les originales, mais un petit peu plus de les Jim Henson. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai tout simplement hâte de voir le film. T'as-tu peur d'être overhyped? De ça. Je te dirais que je suis rendu où je me contrôle quand même assez bien maintenant. Mais ben, t'as je... de l'air zen dans cette situation-là. Mais je sais que... Mais c'est parce que, honnêtement, ce que j'ai appris avec le temps... Puis je suis quelqu'un que mes proches, ils connaissent ça. Ils appellent ça la phase de petit gars. Mais je m'émerveille facilement. Ouais. Puis je vais toujours me rappeler, le monde l'ont peut-être bâché comme ça se peut pas, mais le premier film de Transformers de Bruckheimer. J'ai adoré. Quand j'étais au cinéma, Puis tu vois Optimus Prime se transformer, ma face, j'avais l'air d'avoir 5 ans, j'étais là, ouais, comme, ça, wow, les gros yeux, puis waouh, puis je suis content de voir ça au cinéma, puis le fait que je vais pouvoir revoir ans, les Ninja ça, Turtles genre. Sur un grand écran au cinéma, ça sera en 3D, pas de 3D, ça va te rapporter fou, à cette enfance-là. Ça va me rapporter au moment où je l'ai vu avec ma mère quand j'étais jeune, puis j'ai hâte à ça, j'ai hâte à ce moment-là. Est-ce que tu penses puis... que Teenage Mutant Ninja Turtles cannot do wrong? Ben regarde, ils vont peut-être pouvoir me laisser un goût à moi. T'sais, oui, je peux être déçu, mais d'un autre côté, ils pourront pas m'enlever ce moment-là où c'est sûr que je vais avoir un 5 minutes ou un 10 minutes pendant le film, puis je vais être émerveillé du fait que j'ai des Ninja Turtles devant moi en live action, même si c'est du CG puis tout le kit, je vais triper de voir ça. Fait que tu sais, honnêtement, oui, il y a de l'engouement dans le monde, faut apprendre à gérer ses attentes personnelles. Puis il faut comprendre aussi qu'on joue un rôle dans cet engouement-là. Le plus qu'on va en parler, le plus qu'on va le publiciser, le plus qu'on va générer de l'engouement nous-mêmes. Fait que tu sais, il faut. Une shot qu'on a compris ça, par contre, ça va mieux après. Trip sur des choses que t'aimes. Puis on a si la chance. Si t'aimes pas ça, change de poste, puis voir quelque chose que t'aimes. Exactement. C'est le choix maintenant. Puis on a la chance en 2013 d'avoir accès à de l'information d'avance sur ce qu'on aime. On se fait bombarder de l'image, des choses comme ça. Mais à la base. Ça reste exactement ce qu'on en fait. Si on va le visionner, si on le partage, des choses comme ça, vous êtes responsable de votre propre engouement. Tu n'aurais pas pu l'avoir dit mieux, mais contrôle tes engouements. C'est simple comme ça. Là. Exactement. Tu as une surattente. Mais en même temps, fais-toi décevoir 2-3 fois. Il faut que tu ressentes ça. Puis je le comprends, ce sentiment-là. Puis on l'a tout compris, ce sentiment-là. Je pense que tout le monde qui nous écoute, mais il y en a tout être assez mature pour avoir vécu au moins une fois une déception. Mais c'est ça, je le souhaite. C'est là qu'on va vous inviter. Partagez avec nous vos bons moments, justement. Là, vous avez eu un moment où vous puis avez vos trippé. Déceptions. Vos déceptions, toute l'équipe. Partagez-nous, là. Qu'est-ce qui est tu sais, qu'est-ce qu'il y a du surengouement présentement? Qu'est-ce qui est une déception? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce que vous avez hâte? Partagez ça avec nous. On est le Geek Collectif. Vous écoutiez l'épisode 25 en moins d'un an. Félicitations, guys. Je suis vraiment fier de faire ça avec vous autres. Ils sont pas là, mais... Exactement. Mel et Nick qui sont pas avec nous ce soir. Mais nous sommes le Geek Collectif. Facebook.com/Geek Collectif, le podcast. On a notre site web geekcollectif.com. Vous pouvez nous suivre via Twitter, @Geek Collectif. Mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou @OzumakiQC. Milter. Moi, vous pouvez me suivre sur Twitter à Zombie Milter, c'est mon Twitter name. Puis sinon sur Facebook. Puis aidez-moi pour jouer à Grand Theft Auto 5 en ligne bientôt sur Xbox 360, c'est Milter187. Aidez-moi PS3 aussi, je risque d'acheter la version en PS3 pour jouer en ligne justement avec mes amis PS3. Fait que Milter187 aussi. Eric? Montréalien à Facebook, Montréalien, Montréal IEN sur Twitter. Puis c'est ça. PSN aussi. Moi, je le suggère PSN parce que vous pouvez facilement me rejoindre pour Grand Theft Auto à Montréalien aussi. Grand Theft Auto 5. Ouais. Et visitez ma page Life Invader. Stalkez-moi. S'il te plaît, stalkez-moi. Si vous comprenez cette référence-là, félicitations. Et aussi, félicitations de vous avoir rendu à la fin de l'émission. Fait qu'acheter GTA 5. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Merci d'être avec nous semaine après semaine. Nous sommes le Geek Collectif. On se revoit la semaine prochaine pour la manette dorée avec Eric qui s'est fait remettre un Lord of the Rings. Liquid Entertainment, watch out. Liquid Entertainment, watch out. Donc, merci d'être avec nous. Passez une bonne soirée et à bientôt.